en attendant, on vient continuer en 5 000 ans. On va savoir bien. Est-ce que vous pratiquez la visualisation, Noé? Juste pour comprendre à qui je m'adresse. Je connais très peu de gens, en fait. Est-ce que dans votre quotidienneté, vous travaillez avec des données, j'imagine? Mais est-ce que vous les visualisez? Est-ce que vous avez une pratique de visualisation? T'as déjà commencé? Bah, j'essaie de parler, sinon on s'endort. Je sais. En plus, c'est droit, il fait beau, donc si on est coincé ici, il vaut mieux profiter, non? Ouais, on peut échanger un peu. Ouais, c'est bien. Ouais. Donc, voilà, dis-moi, vous avez une pratique de visualisation, vous, quotidiennement, vous êtes confronté avec des couleurs, des formes, des tailles, des objets qui bougent. Dis-moi. Comme ça, je peux un peu calibrer les bêtises que je vais dire. Je ne suis pas trop dans ce domaine, c'est que je suis en archéologie, on travaille beaucoup avec des tiges et on doit visualiser nos données archéologiques, donc c'est plutôt c'est à la fois du qualitatif et du quantitatif, ouais. Mais je suis très désireuse de connaître un peu plus avant ce qu'on appelle le data vis, parce qu'on reste très basiquement attaché à Bertin et avec ses variables. Voilà. Donc, je voudrais voir qu'est-ce qui est en train d'évoluer et en particulier avec le numérique. Vous êtes je vais vous décevoir en fait. Vous parlez que de Bertin, surtout dans une chapelle. Quoi, ces planches-là, elles sont faites, ont été faites, je ne sais pas si par lui ou quelqu'un de son école avec ses livres. Frédéric Salmon pour la plupart, ouais. Effectivement, avec son école. mais voilà, donc voilà, je vais faire quelque chose de très bertinien. Mais après, on pourrait se prendre le temps de discuter aussi d'autres choses. Je suis très ouvert. C'est pour aussi ma culture générale sur ce domaine-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager un peu d'où elle en produit bien? Ouais. J'anime un master en géomarketing. Donc on fait pas mal de cartographie sur chiffre d'affaires et autres. Et donc souvent, les gens font des fous. Les cartes sont fausses, en faisant des complètes à tout va. Voilà, sur les bons conseils que vous donnez. Je vais la fermer, mais je laisse quand même un petit peu de temps. En fait, il y a une autre réunion au sud, du coup, il y a pas mal de confusion à l'entrée. Il y a pas mal de gens interdits qui font une autre réunion là, que notre séminaire. Je vous laisse encore 3 minutes de discussion informelle avant de commencer. Je reviens. Moi, je dirais des choses très basiques. Je travaille avec. Je fais des analyses quantitatives des lunettes statistiques avec des co-échantillons. Et je trouve que la data visualisation, c'est une chose qui m'a aidé plusieurs fois à comprendre les données statistiques qui peuvent être très abstraites. Et aussi, mon objectif, c'est de rendre des choses qui peuvent être un peu compliquées dans les discours plus immédiat et en français, c'est pas. mais je veux dire que compréhensible et simple, ouais. Avec la visualisation. Ouais. Vous travaillez avec quel outil? Pardon? Avec quels outils vous travaillez? Stata et R. Au niveau d'outils, vous utilisez quoi? Vous, madame? Donc c'est QGIS et QGIS. Yes. Moi personnellement, mais les équipes. Ouais. GeoConcept. Stata, Excel. Tout ce qui vient. Tu me dis qu'on veut... On est libre, on a la salle à partir de il y a une heure jusqu'à 13h. Okay. Du coup, on est assez libre, ce qui est cool, on va en profiter. Ouais. Je pense qu'on peut commencer, il y a encore des gens qui arriveront et je suis désolé pour le bruit qu'ils feront, c'est la vie, c'est normal. Ouais. Bienvenue à ce médecin numéro 21. On est un peu, commence à être un peu... C'est le mon anniversaire. Aujourd'hui, le 21. Ouais. Très bien. Octobre. On fera un médecin le 21 octobre si tu veux. Mais celui-là, c'est le 21e. Ouais. On commence à être un peu un vieux séminaire. Ça fait plaisir à voir. Il y a beaucoup d'affluence. La tenance du record d'affluence est dans cette salle. Si vous voulez essayer de la trouver, je sais. Cette séance de médecin réalise quelque chose d'important. C'est qu'on fait, après 2 ans et demi de séminaire, quasiment 3 ans, on fait enfin une séance qui parle de Bertin. Et c'est, enfin, moi, ça, personnellement, ça me fait chaud au cœur, puisqu'il y a pas mal de choses qui seront réalisées par cette séance qu'on avait pensé au début. La database s'en est une, mais c'est pas que. Cette séance s'annonce assez interactive, avec les échanges avec le public. On avait pensé le MedSem au début comme un séminaire qui aurait ce genre de séance. C'est beaucoup plus difficile à organiser que ce qu'ils pensent. C'est beaucoup plus difficile d'organiser un séminaire que ce qu'on pense, en fait. Mais faire du didactique et faire de l'interactionnel comme ça, avec un public, en tout cas dans cette chapelle un peu lente, c'est compliqué. Merci beaucoup, Donato, pour cette séance à venir. Je ne ferai pas plus long. Merci à tous et puis bonne séance. Merci à toi, Diego. C'est compliqué pour moi de parler de database. Parce que c'était mon domaine de formation. Si je ne suis pas un statisticien, je suis un designer. En fait, mon approche à la visualisation de données, c'est une approche très accrochée à la question des utilisateurs. Et une approche à la database qui est très, très, très, très penchée sur comment on lit les visualisations. Donc voilà, un peu l'idée aujourd'hui, c'est là de construire un moment où on se prend le temps de lire la visualisation, pas de la produire. L'idée de base, en fait, de la visualisation de données, quand vous êtes des designers, je crois que ça, c'est quelque chose qui commence à se partager, c'est qu'il serait un objet un peu bizarre, on le fait pour nous, pour comprendre nos données, mais à un moment donné, cette visualisation-là, elle doit sortir aussi dans le monde, et donc voilà, il faut en plus se caler dans les chaussures, dans les vêtements, dans la posture, dans les positions de quelqu'un d'autre, et imaginer comment ces autres, qui ne sont pas accompagnés par nous, ils vont lire ce qu'on a écrit. Donc la première chose qui, moi, ça me tient à cœur, c'est celle-là de dire que les visualisations, ils font partie du domaine des langages visuels, et donc comme tout langage, ils sont basés sur des codes. Il faut apprendre à coder et décoder, à chiffrer et déchiffrer. Ils nous ont dit de ne pas utiliser le mot crypté, parce que crypté, en français, ça veut dire qu'une fois qu'il s'est crypté, après on ne peut rien faire, c'est vrai, je voilà. Donc voilà, je viens juste un peu d'historique pour me situer. Avec ma thèse, j'ai cofondé ce laboratoire qui existe encore à Milan, qui s'appelle le Nancy Design Lab. Et en fait, il était le premier labo de design qui s'occupait de visualisation de données. Jusqu'à il y a 10 ans, la visualisation de données, c'était quelque chose de très attaché en fait, à des savoirs techniques, des savoirs qui venaient des statistiques et des savoirs qui venaient de l'ingénierie. Donc nous, on était un peu pionniers. Un peu aussi très ignorant de ce domaine-là. Et probablement, c'était pour le biais de notre ignorance qu'on a commencé à innover un peu dans le monde de la visualisation des données. Et on a aussi fait très, très, très beaucoup de dégâts. On a installé, on a popularisé, on a aussi démocratisé l'accès. Et ça, c'est un peu le rôle du design, un peu partout, dans tout ce qu'ils font, des chaises aux tables, à les visualisations. On a aussi démocratisé l'utilisation de certains objets. Et parfois, on a fait aussi des dégâts parce que, voilà, on a mis à disposition des langages à des gens qui, en fait, ils ont pris les outils avec lesquels on construisait ces visualisations sans qu'ils étaient capables de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière. C'était un peu la même chose qui s'est passé dans une deuxième phase de ma vie quand je suis rentré au Media Lab de Sciences Po. Et c'est un peu la même chose qui se passe avec les réseaux. Le fait qu'on a des outils à disposition pour visualiser des données qui ne sont pas tabulaires, mais sont des données qui sont en réseau. Voilà, la possibilité de donner aux gens de s'approprier de ces outils-là, parfois, donne lieu à des choses qui sont très peu compréhensibles, qui probablement ils sont très alléchants, ils sont très, très belles, mais ils sont compliqués à lire. Donc la nécessité pour moi aujourd'hui avec vous, pas de vous donner des conseils méthodologiques structurés, mais juste voilà, c'est 2 heures aujourd'hui pour en faire une petite séance et de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait lire dans des visualisations qui ne sont pas des visualisations à vous, donc vous ne les connaissez pas probablement, et donc se mettre dans la position de les regarder et essayer de regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais parler très peu d'outils parce que les outils ils sont là, ils sont à disposition. C'est posez-moi des questions à la fin parmi la présentation. Je veux vous expliquer comment la partie technique, comment ces visualisations ont été construites. Voilà, c'est juste qu'il faut garder en tête que la démocratisation des outils, parfois elle est accompagnée par un degré de naïveté dans la construction de ce qu'on comprend des outils auxquels nous, comme visualisateurs, on doit être très attentifs. Le fait qu'il y en a des filles à disposition, c'est d'autres outils qui ont été construits dans mon ancien labo Orographe qui me donnent la possibilité de faire des visualisations très belles avec 2-3 clics. En fait, les 2-3 clics, la facilité de construction de ces visualisations, elle va en parallèle avec la difficulté parfois de votre public à lire qu'est-ce qu'il y a derrière. Si c'est simple pour vous, parfois c'est compliqué pour les autres à lire. L'autre chose sur laquelle on pourrait démarrer, c'est le fait qu'en fait, quand on a commencé à faire la visualisation, comme des designers, c'était un peu le moment de gros hype il y a 10 ans. Tout le monde il commençait à dire « Ah, la visualisation, c'est the next big thing ». En fait, au fur et à mesure qu'on s'est planché sur le domaine, et là, on a des écrans accrochés au mur, et en fait, c'est hyper compliqué de faire cette séance avec Bertin, qui est le spectre, qui est ici, dans cette chapelle. En fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que cette capacité de visualiser les données, elle était toujours là. En fait, l'invitation à laquelle moi, l'invitation que je vous fais, c'est celle-là de ne pas avoir une espèce de peur dans la visualisation, parce qu'on était et on est capable de le faire. C'est juste une question de faire des exercices, et ces exercices-là, ils sont surtout basés sur des exercices de lecture de ce que vous produisez. Donc voilà, les humains, on était toujours accrochés, on a toujours cherché de rendre visible, explicable, ce qu'on avait autour de nous. Et probablement, ça, c'est une des premières visualisations. Alors de là, voilà, commençons encore à vous poser des questions. Est-ce que vous croyez que celle-là soit une visualisation? Pourquoi? Je ne reprends pas à parler si vous reprenez. On dessine des signes sur un. Ok. Des signes qui sont des noms. Ok. C'est orange. Et on le voit avec nos yeux. C'est qu'il y a des représentations qui ne sont pas visuelles. Oui, bien sûr. Est-ce qu'un tableau, c'est une visualisation de données? C'est un support pour transmettre de l'information. On arrive à le lire dessus. Ouais. On commence un peu à poser les éléments sur lesquels on pourrait discuter. Donc voilà, par exemple, là, on voit très bien qu'Excel, elle était toujours là. Ça, c'est probablement le premier tableau Excel jamais construit par l'humanité. Ouais. Est-ce que vous arrivez à comprendre de quoi il parle ce tableau Excel? Peut-être. Pas de soucis. Vous avez, la plupart des visualisations, probablement, vous ne les avez pas vues. Si vous êtes très expert du domaine, probablement oui. Mais la question, c'est vraiment de lire. Hein. Moi, je ne vais faire rien d'autre que vous proposer des choses à lire. C'est quelque chose d'administratif. Il y a écrit temps et lieu. Astrologie ou astronomie. Parce qu'il y a des signes de zodiac, j'ai l'impression. Il y a des dates. Un calendrier. Il y a le calendrier. C'est la position des astres, en fait. Et en fait, c'est ça que je vais vous proposer. Allez chercher à l'intérieur de toutes les visualisations, bon, la plupart des visualisations que je vais montrer, sont quoi les signes qui encodent des informations et comment votre œil, en fait, il bouge à l'intérieur de cette visualisation-là et vous donne la possibilité de parler. La bonne visualisation, si on peut l'appeler comme ça, c'est là qu'il met en mouvement trois choses de votre corps. La visualisation donnée, c'est quelque chose de très corporel, en fait, sur les yeux, la bouche et le doigt. la capacité de connecter ce que vous voyez avec le doigt pour dire là, je vois ça, et c'est ça, c'est ce qui sort de la bouche. En fait, si vous arrivez à faire ça, dès que vous avez une visualisation face à vous, probablement vous êtes en train de construire quelque chose qui fait du sens, qui tient. Voilà, ça c'est, si on doit parler de méthodologie, de petits conseils. Mon petit conseil, le premier petit conseil, c'est celui-là. Regardez ce que vous produisez, et si cette chose-là, elle met en articulation trois parties de votre corps, au cœur, parce qu'il y a aussi le cerveau, qui devrait être activé. S'ils arrivent à activer en moins les yeux, la bouche et le doigt il est hyper important, il a une dimension physique dans la visualisation qui est très importante. Voilà, probablement vous êtes face à quelque chose qui pourrait avoir, qui pourrait marcher. Donc voilà, qu'est-ce qui a changé en fait depuis le moyen âge? C'est juste la vision des outils. Les outils pour collecter les données, les outils pour les visualiser. Mais je ne vais pas parler de ça, il y a toute une longue littérature, STS, donc Science and Technology Studies, aussi sur la visualisation. C'est un entier cours qu'on pourrait faire sur comment les outils et comment la capacité d'écriture change à la fois les phénomènes qu'on est en train de voir, mais change aussi les observateurs. Donc, pour le biais de la visualisation des données, il y a aussi une littérature qui montre comment la distinction entre objet et sujet, elle est un peu vague, elle est un peu floue, parce que voilà, on est en train d'intervenir dans un terrain dès qu'on collecte. Mais c'est une très belle histoire. Si vous voulez, à la fin, on peut aussi discuter un peu de cette littérature. Mais la question, c'est aussi, et c'est un peu la problématique, depuis des décades, des siècles, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose au niveau des signes, des lignes, des formes qu'on utilise pour visualiser. Alors, je vous propose la lecture de ces deux images. Essayez. Si sont trop bêtes mes exemples, vous me dites. Hein. Je ne veux pas... Donc voilà, on a deux images. Est-ce que vous arrivez à faire cette chose-là, de connecter, vous arrivez à le faire. Est-ce que cette image vous met en mouvement? Voilà, les yeux, la bouche, le doigt. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? L'impression que la deuxième image, c'est le zoom de la précédente. Ok. Bonnes orbites. Le système solaire. C'est le système. C'est l'astrologie encore, on voit les signes qui sont autour de ces choses. C'est lequel, le système solaire? C'est celui-là, c'est l'autre. C'est quoi la différence entre les deux? Vous voyez le modèle visuel, ce qu'on appelle le modèle visuel, donc le système structuré avec lequel les informations et les données ils sont encodées dans des systèmes, dans des signes, en fait, vous voyez, il est exactement le même, non? Mais c'est quoi la différence entre les probablement... C'est le titre qui va nous dire, en fait, c'est les mots, plus que le dessin. Essayons de verbaliser. Voilà. Mon invitation aujourd'hui, c'est de faire des phrases sur la visualisation. Dans le deuxième, on voit le détail des lunes autour des différentes planètes. Vous parlez de celui-là. Dans l'autre, le détail ressort. Attention, là, le passage entre ces deux visualisations, il y a des gens qui sont morts. Et ils ont attrapé et mis au feu. Là, on a le soleil au centre. Là, c'est Copernic. Regardez le changement de paradigme. Moi, je déteste ce mot. Mais le changement de vision du monde. Parlons de vision du monde. Il est exprimé juste parce que là, le soleil, il y a des petits... Comment on dit en français, spike, mais le modèle visuel, il est exactement le même. Exactement le même. Et le fait de mettre des rayons, il y a des gens qui sont morts sur le feu, en fait. Et c'est ça, la chose sur laquelle, en fait, moi, je vous invite aussi à réfléchir. C'est pas le fait qu'ils vous structurez dans un système, dans un langage d'encodage de vos informations qui vous donne l'assurance qu'il va être bien lu. Parce que les modalités d'encodage, ils sont restés plus ou moins stables depuis des siècles et des siècles. Donc, comme disait madame, Le fait d'avoir un titre, c'est important. Ne laissez jamais vos visualisations aller bouger dans le monde, flotter dans le monde, s'ils ne sont pas accompagnés du texte. La chose qu'on dit, qui est très américaine, et sur laquelle moi je me bats depuis le jour zéro de ma carrière de visualisation, c'est qu'une image vaut 1000 mots. C'est faux. Ça n'existe pas, en fait. Une image, toute seule, elle peut produire 1000, 10 000, 1 million de mots qui probablement ne sont pas accrochés à l'image. Si vous voulez produire une image qui marche, une visualisation qui marche, il faut l'habiller, il faut la soigner avec des textes, avec de la verbalisation. Et c'est pour ça que je vous invite ce matin à réfléchir sur ça. Pourquoi ? Pour justifier un peu cette histoire que je suis en train de vous raconter sur la visualisation, faisons un petit excursion sur temporel. Est-ce que vous avez jamais vu cette image ? On fait, voilà, passons un peu à la sémiologie des images, les exégèses des images en général. Qu'est-ce qu'il vous raconte cette image ? La seule image vous parle. Évidemment, vous pouvez inventer tout parce qu'il n'y a pas un texte qui la tient et qui vous indique qu'est-ce que vous devrez regarder là-dedans. Quels sont les éléments qui vous touchent, qui vous titillent, qui vous accrochent? Vous avez le droit à dire tous les bêtises du monde. Ah, je peux dire qu'il y a un jeu de puissance 4 derrière. C'est puissance 10. Ah, pardon. Mais très bien. Allez-y, allez-y. Il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Hein. Ça ressemble à un kipou. C'est la manière de compter et de. C'est un kipou, en fait. C'est un kipou. Normalement, je ne sais pas si vous connaissez un kipou, en fait. Là, on est dans. C'est cet objet-là. On est dans le Sud-Amérique. En fait, c'est un gros collier. C'est un gros collier qui était porté par ces hommes-là. Et on commence un peu à parler des gens derrière la visualisation, qui étaient des maîtres en kipou, des prêtres. On va voir que dans l'histoire de la visualisation, les prêtres, et c'est pas par hasard qu'on est dans une chapelle, ils ont un rôle hyper important. Moi, je ne suis pas très catholique, donc donnez-moi la possibilité de faire une blague parce qu'ils avaient beaucoup de temps à passer sur la question des données. Probablement, vous, dans votre quotidienneté, vous n'avez pas le temps qu'ils avaient des prêtres à l'époque, mais l'invitation, c'est passer du temps avec vos données, un peu comme un prêtre soigne les âmes de ses fidèles, essayer de soigner les âmes de vos données. Pourquoi ils étaient des gens spéciaux? Ils n'étaient pas exactement un prêtre, c'était un prêtre, c'était un maître, parce que c'était le seul, les seuls, les maîtres des kipou, à savoir où faire des nœuds sur ces ficelles de ce grand collier. Et c'était les seuls qui, avec les doigts, et on revient avec la question des doigts, en touchant ces ficelles-là, ils arrivaient à exprimer une parole qui disait combien de blé on avait fait l'année, je ne sais pas comment l'équipe à cette époque-là comptait les années, à cette année-là, combien de blé on avait récolté. Et combien, après il touchait sa ficelle, combien de blé on avait consommé. Et il fallait aller auprès de ces gens-là pour comprendre ce qui se passait dans une réalité. Donc, la question, c'est quoi qu'il faut retenir de cette petite anecdote, hein, c'est qu'il y a des gens qui sont dépositaires d'un savoir qui est très puissant, qui c'est celui-là de l'encodage et du décodage. Cette capacité-là, elle n'était pas partagée avec tout le monde. Il y avait quelqu'un capable d'encoder, et ce même quelqu'un, c'était le seul capable de décoder. Vous comprenez, en fait, il s'agit d'un langage très bizarre. C'est un peu comme si moi je parlais, il n'y avait que Diego qui comprenait ce que je disais, et après Diego il vous parlait. Cette question de l'intermédiaire, de la traduction, c'est au cœur de cette histoire. Donc ça, ils sont pour l'équipe. Et on passe encore sur des prêtres. Ils avaient beaucoup de temps pour observer les choses qui bougeaient devant la fenêtre. Et Et donc, Nicolas Oreste, on est en 2001, qu'est-ce qu'il fait? Il invente un truc qu'on utilise toujours, qui sont les histogrammes. Ceux qu'on utilise aujourd'hui, les histogrammes, en fait, ils sont nés en 2001 avec Nicolas Oreste, qui faisait rien d'autre qu'il voit regarder à sa fenêtre et noter comment les corps bougeaient devant lui. Et il a noté, il prenait des notes, ça impliquait du temps. S'impliquer du temps aussi pour un autre prêtre. Là, on fait un gros saut, on arrive à Joseph Priestley, qui c'est le premier, en fait, qui fait un truc hallucinant, qui s'est inventé les timelines. Jusqu'à 1700, on n'avait jamais, jamais, jamais fait de timeline. Et lui, il fait la première timeline, en fait, sur un truc un peu bizarre. Il c'est celui-là. C'était un moment où les gens ils réfléchissaient sur la question de la philosophie grecque, et quand même, ils n'arrivaient pas trop à voir les influences d'un philosophe sur l'autre. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a du temps, il prend le bouquin et commence à noter quand un philosophe il est né et fait un trait. Après toute sa vie, ça devient une ligne. Quand il meurt, ils arrêtent la ligne. Jusqu'à cette époque-là, personne n'avait jamais pensé à ça. Il fait ça avec tous les philosophes et commence à voir la contemporanéité de certains philosophes. Il commence aussi à produire, encore une fois, un régime de parole différent qui commence à parler de famille de penseurs. Il commence à parler de façon différente d'école de pensée. Ce n'était pas que c'est lui qui invente le concept d'école de pensée, mais c'est sur la base de cette espèce d'objectification de ce qui s'était passé qui, lui, commence à changer un peu la façon avec laquelle on parlait de la philosophie grecque et antique. Il fait la même chose, il avait vraiment beaucoup de temps, il fait la même chose avec toute l'histoire de l'humanité. Il avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de temps. Il avait une vie exceptionnelle, probablement. Donc il lisait. Et là, vous voyez, c'est une carte encore temporelle. Donc on a le temps qui va de gauche à droite. Voilà, rentrons aussi dans les habitudes de la lecture. Le temps, il va toujours de gauche à droite. Au moins, nous, c'est tantôt. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à, avec des carrés, avec des rectangles, à montrer la grandeur temporelle des empires. Et aussi avec cette idée de stacker, de mettre les uns après les autres, les uns au-dessus des autres, les empires, il commence à faire une carte synoptique de ce qui s'était passé. Donc c'est le moment véritablement où on s'intéresse à la synopsie, je ne sais pas si ça se peut dire en français, comment les choses se sont passées en même temps. Comment on peut avoir une vision des choses qui, dans des moments différents, dans des endroits différents se sont passées, comment on peut les remettre en même endroit. La visualisation de données, il ne fait rien d'autre qu'il collecte des choses et les met dans un espace où on peut. Vous voulez faire des commentaires? Non, je disais que je n'arrive pas à noter la date de Joseph Priestley, à quel point c'est. On est toujours 1700. C'est, mais le 1700, c'était un moment un peu particulier. Ouais. Après, on arrive à Playfair. Prêtre, lui aussi, protestant. Les protestants, ils sont très importants dans cette, aussi dans cette histoire. Il y a très peu d'images avec une qualité meilleure de Priestley sur le web. Donc je vous invite à faire un peu comme ça. Comment ça se dit en français? Plisser. Faites-le, ça va mieux l'image, non? Si vous faites. Non, bah, il faut, tu as les yeux comme ça, il faut un peu. En fait, la quantité, quand vous faites comme ça, la quantité de photons qui arrivent sur votre rétine, ils sont inférieurs. Et en fait, vous êtes en train, avec ce jeu-là, un peu d'améliorer la qualité de l'image. Parce que, voilà, vous avez moins d'informations à processer. Donc, votre cerveau, il va s'adapter à une résolution inférieure. Qui, en fait, c'était un des principes de Playfair, celui-là de condenser. Dans ses écrits, il commence à parler de condenser. Et il condense dans du camembert les informations. Donc il fait du fromage de données. Les Anglais faisaient des pailles, des tartes. C'est bizarre pourquoi cette visualisation-là, on l'accroche vraiment à la bouffe. Torte en italien, paille en anglais, camembert en français. Donc c'est lui qui commence un peu à structurer cette idée que la visualisation de données soit un processus de condensation, de réduction. qui à la fois c'est hyper puissant et à la fois probablement dans votre pratique quotidienne c'est votre cauchemar. Qu'est-ce qu'il faut condenser, qu'est-ce qu'il faut éliminer, qu'est-ce qu'il faut qu'on garde, qu'est-ce qu'il faut qu'il en met en valeur. Ils inventent cet objet-là, qui c'est un des objets les plus controversés de la visualisation de données. Nous, au bout, qui on visualise les données, vous savez qu'il faudrait presque jamais utiliser un calendrier. Vous savez aussi pourquoi. Essayons d'y penser. Je lance un peu cette provocation-là, il ne faudrait jamais utiliser un calendrier. Parce qu'on ne voit pas l'angle, on a du mal à comparer les angles. Ça, c'est une des raisons. Pensez un peu à les formes. Et on revient à un truc un peu religieux. On fait comme ça, c'est le rond. Comme vous voyez un rond, qu'est-ce que ça... L'infini. L'infini ou le fil. C'est le, la totalité. On dit aussi la globalité, le tout. Et en fait, ce tout-là, dans la visualisation donnée, vous n'avez jamais. Vous avez au moins qui on prend comme base, nous, qui on sait qu'on est des êtres finis, pas que, on a tous les bactéries dans notre ventre, qui complique un peu comment on se calcule. Et là, si on se calcule, on peut dire qu'on est 32. Et on sait que c'est le tout. Mais la plupart du temps, vous n'avez pas le tout, parce que vous êtes toujours confronté à des activités de sampling, des activités d'enchantillonnage, des activités d'extraction de données, donc vous n'avez jamais le tout. Et donc c'est pour ça qu'en moins qu'on est des designers, on essaie un peu de se décrocher de cette idée du tout et le donner moins à voir possible. Et donner toujours à voir le fait qu'on est dans l'incomplétude de ce qu'on visualise. Lui, après, il retravaille les histogrammes et il en fait vraiment une théorie des histogrammes. On passe à celle-là, qui probablement c'est ma visualisation de données qui moi j'adore. C'est ma préférée. Henry Turner, 1800 quelque chose. Lisons-la. Prenons-nous le plaisir de regarder cette image et de la décoder. Déchiffrer. Déchiffrons ça. Qu'est-ce que c'est ? On l'a vu avec le premier Excel, hein, qui la première chose à faire quand on lit des visualisations, c'est aller chercher les choses qu'on connaît. Les signes des désastres, s'il y a des étoiles. C'est quoi qui vous lisez là-dedans ? Commençons à produire hein, de la parole. Une montagne ? Une montagne. Peut-être l'altitude d'une montagne. Je sais pas. Du monde, de ce que tu collectes. Essayons de produire en. Véritablement, l'idée, que si vous avez vu là, ça c'est vraiment lire les images. Si on lit un texte, en fait, on a un intro, un développement d'un argument, après la conclusion. Essayons de faire la même chose. Ici, on ne lit pas. C'est un vrai peu contrasté. C'est très, très. Oh, pardon. C'est pas grave. Pardon, oh, là, ça va mieux. C'est quoi ? Je pense que le fait qu'il ait superposé les montagnes par rapport à leur attitude à de nos visualisations complémentaires des données tracées juste en haut, donc c'est comme une double un peu visualisation, parce que en soi, le diagramme juste en haut, il aurait suffi peut-être. Et là, on visualise mieux les... Allons, c'est hyper bien ce que tu dis, merci. Mais allons doucement. C'est quoi le diagramme en-dessus ? C'est quoi qu'on voit au milieu ? Lisons. Il n'y a rien d'excompté. Il y a un monsieur. J'ai l'impression qu'on voit des tables soulevées. Et le problème, c'est qu'il y a aussi une notion de perspective. Donc du coup, quel se met plus haut et pourquoi il y en a qui sont devant, pourquoi ils sont derrière ? Ce genre de choses. Il y a encore personne qui a lu cette image. Hein. Je comprends pas bien, moi, les images. On dirait des fleuves vus en plan, mais éventuellement, si je jette dans une mer qui serait remise à l'horizontale et qui me viendrait des montagnes, enfin, bon, il faudrait voir ce qu'il y a écrit. Ouais, des courbes de niveau, je ne sais pas si on des courbes de niveau, enfin, sur la question. Ça, on n'arrive pas à analyser. Je ne sais pas si c'est imaginaire ou. Ce sont des BE, des isolés. C'est tous les plus grands sommets de la planète sur un même. Juste après. Il y a tous les différents. Sur une même image. Alors. Essayons. C'est une chaîne de montagne et en haut, ça permet de voir la distance entre les sommets. Pour ce qu'il y a écrit en haut. Et en haut, ça permet de comparer la hauteur. Moi, les positions entre les positions relatives des sommets en bas, c'est la géographie, et en haut, là. Alors, Erwidal, c'est un monsieur très inspiré par Humboldt. Vous positionnez un peu Humboldt, n'est-ce pas? Et lui, avec ça, il invente, lui, dans toute sa pratique, en fait, ce qu'il fait, c'est d'inventer des mondes. Il fait rien que ça. Mais ces mondes-là, ils sont des mondes basés sur des données réelles. Qu'est-ce que c'est ça? Il faut s'imaginer un returner qui visite tout le globe. Il va chercher tous les plus grands sommets, un par un. Hein, et après, il les met dans le même espace visuel. Lui, il se donne la liberté, sur le papier, d'inventer une montagne qui n'existe pas du tout. Mais c'est la montagne faite de tous les plus grands sommets du monde qui, par le fait qu'ils sont visualisés et ils sont inventés, c'est un artefact. C'est fait par art. Dans cet espace-là, il nous donne la possibilité de les comparer. Lui, il se prend la liberté d'inventer un monde qui n'existe pas. Si on doit vraiment décoder cette image, il n'y a rien de réel là-dedans. C'est une espèce de data fiction. Si les valeurs des sommets, les valeurs des sommets sont... Les valeurs, mais lui, il ne visualise pas les valeurs. Lui, il visualise les montagnes. Lui, il les incorpore dans un trait. On voit bien qu'il y en a qui sont plus grands que d'autres. Bien sûr, mais il ne les incorpore pas dans un petit point. Il ne fait pas... Il ne s'appuie pas sur l'abstraction, qui c'est l'activité d'encodage. Il prend les montagnes. Il les prend. Il fait un collage. Et voilà, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il nous donne aussi des repères. Qui c'est? Voilà, il y a des petites choses jaunasses. Là. Ils sont des volcans. Et des volcans actifs. Parce qu'il y a aussi des autres volcans. Mais lui, il signale où ils sont les volcans actifs. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Là, ce que vous avez appelé le diagramme, en fait, ils sont les fleuves les plus longs du monde. Essayez juste de comprendre un moment qu'est-ce qu'il fait ce monsieur, qu'il était vraiment barré. Il prend des objets verticaux, les montagnes, les ramasse tous ensemble dans un espace fictionnel. Il fait un roman de science-fiction, si vous voulez, de data-fiction. Et après, il prend des objets horizontaux et les met ensemble. Il a plié l'horizontalité et la verticalité, il les a mis dans le même espace. C'est quand même une opération de carré. Non ? Et avec deux échelles. Parfait. Vous voyez que dès qu'on commence à rentrer dedans, après, c'est où sa faiblesse ou sa puissance, c'est le fait qu'il joue aussi avec les échelles. Et évidemment, le Nil, il est, je ne sais pas, 50 fois plus long que l'Everest. Donc, il se donne la possibilité aussi dans cet espace de jouer, de manipuler. Vous voyez comment on commence à décortiquer cette notion de manipulation de la réalité avec les visualisations. Pour faire ça, il faut raconter des histoires. Lui, il avait un objectif très pédagogique. Et c'est pas sûr de bien. Donc, il y avait des gens auxquels il fallait montrer les merveilles du monde. Et donc, c'est pour ça qu'il se donne cette liberté-là. Après, il y a des messieurs qui probablement vous connaissez, Johnson, c'est pas celui-là de la série télé. Vous connaissez très bien l'histoire du choléra, je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais m'attarder juste un moment sur Florence Nightingale, qui est un personnage probablement moins connu. Est-ce que vous connaissez Florence Nightingale? Heureusement, c'est la première femme il y a beaucoup de femmes qui aussi avant elles avaient travaillé sur la visualisation donnée, mais elle c'est la première qui on a reconnue dans, dans l'histoire parce qu'elle invente le PowerPoint avec des visualisations à l'intérieur. Un PowerPoint. Elle était une infirmière de guerre à l'époque de la guerre de Crimée. Et elle invente ça. Est-ce que vous avez jamais vu un Cox plot? Vous l'avez vu? Vous le connaissez? Donc je ne l'explique pas. Vous voulez essayer de le lire? Lisez. À vous de lire. Je vous laisse aussi le texte, parce que le texte est important. Prenez 3 minutes pour décoder, déchiffrer. Qu'est-ce qu'on a là? C'est la guerre de Crimée. Et c'est une infirmière qui le fait. Et après, j'ajoute juste une phrase pour vous expliquer pourquoi c'était le premier PowerPoint. J'en ai inventé. Ce poster-là. Commencez avec les choses qui vous comprenez. Et dès que vous trouvez à l'intérieur d'une visualisation un objet qui vous parle, commencez à le verbaliser. C'était vraiment mon invitation, c'est essayer de trianguler les yeux, la bouche et les doigts. Faites comme ça, là il y a un mois, là il y a un an, ces ans-là ils sont enchaînés les uns après les autres, donc l'enchaînement des mois probablement ça veut dire qu'il c'est une timeline. Essayez de lire. Il y a une différence quoi d'une année entre les deux? Mmh. C'est ça? Mmh. C'est la guerre de Crimée, hein. C'est le nombre de noirs par mois. C'est le nombre de noirs à la guerre et liés aux maladies. Et la répartition est montée en fait. Ah oui, le déterminant de la mortalité des guerriers et les soldats ne sont pas liés tant à la guerre mais à la maladie. Vous expliquez aussi à notre. À notre public, comment vous êtes arrivé à ça? Non, elle ne veut pas. Ah oui, comment? Je peux le faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Elle était une infirmière, elle était sur le terrain, elle était sur le champ de bataille. Hein. Il faut se figurer ça. Restons accrochés à la question des histoires derrière les visualisations. Donc, il y a quelqu'un qui fait du terrain. Mm-hmm. Hmm? Ces données-là, elles sont issues de quelqu'un qui était sur le terrain. Donc, et là, comme la sensation dans ses écrits, on lit qu'elle a un ressenti. Elle n'arrive pas à objectifier une chose. Le fait qu'il soit nécessaire, chaque fois qu'il y a une guerre, d'avoir un hôpital à l'intérieur des champs de bataille. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a cette sensation-là et commence à objectifier. Elle compte, en fait, dans le temps. Combien de gens sont morts par les blessures et combien de gens sont morts parce qu'ils étaient touchés par des balles ou combien de gens ils sont morts avec des infections. La touche bleue sont les infections. Alors, en fait, il avait essayé d'aller parler à la reine pour dire qu'il faudrait bien qu'il y en ait un hôpital. Et la reine, il a dit non, pas du tout. On n'a pas les sous pour le faire. Il commence à compter. Donc vous voyez au fur et à mesure que la guerre se développe, les bleus qui à un moment donné, quand ils s'installent en fait, le champ, l'hôpital, la quantité de morts par infection baisse de façon drastique. Elle fait cette visualisation-là, elle l'imprime, elle le fait à la main, elle va auprès de la reine avec cette visualisation, qui fait exactement ce qu'on fait avec un PowerPoint, il le montre. Et après, cette lecture que vous imaginez partager entre une infirmière et la reine, a fait pour la première fois, après ce moment-là, en fait, c'est devenu obligatoire, au moins pour les Anglais, d'avoir un hôpital dans le champ de bataille. Donc, c'est véritablement la première utilisation de la visualisation pour persuader, basée sur des données. C'est du marketing, en fait. C'est une espèce de mélange bizarre entre graphisme, intelligence, sensibilité, capacité graphique et marketing, en fait, et persuasion. Hmm? Alors, il y a les touchés par les balles, il y a les morts parce que c'était mort par des grosses blessures, les blessés marrons et les infections. Donc, ce sont les trois. Je vais partager avec vous tous les diapositives. Après, celui-là, il ne faut pas le remonter, vous le connaissez très bien. Mmh. Allons vite. Est-ce qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas? Jamais? Et il faut lire. On ne peut rien faire d'autre que lire. Et en plus, il est en français. Parce qu'il était fait par un français. C'est bizarre, mais les français, ils étaient toujours hyper importants dans l'histoire de la visualisation des données. Au fur et à mesure, ils sont un peu sortis. Et c'est hyper dommage. Entre Marie, Minard et Bertin, dans deux siècles, la France, elle a produit 3 points. Alors, qu'est-ce que c'est ça? L'invitation, c'est lire les signes. Dites-moi, essayez de me parler de ce que vous voyez comme signe graphique là. Moi, je vois déjà un trait, alors là, il y avait une épaisseur. Oh, ok. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait, cette ligne, avec un épaisseur? Je sais pas. Ah, c'est bon de lire. Je vais reprendre les températures. Mmh. Vous voyez ces petites lignes un peu tordues? Ça pourrait être quoi? Des fleuves. Donc, s'il y a des fleuves dans un espace visuel, qu'est-ce qu'on a? C'est une carte. Voilà. C'est hyper simple. Mais prenez le temps de le faire. Est-ce que vous arrivez à lire des noms de villes? Moscou. Ok, Moscou. Et là, il y a aussi des dates. Donc, on parle de Moscou, 1812. Qu'est-ce que c'est? La campagne de Russie. Non? Ok. Alors, c'est la campagne de Russie. Qu'est-ce qu'il y a pendant une campagne de guerre? Des gens qui combattent. Des soldats. L'épaisseur, au début là, c'est le début. Temporel et spatial en même temps. Des bataillons. L'épaisseur, c'est la quantité de gens. Ah, ce moment de réalisation, ah, c'est le moment où il faut commencer à parler. Parlez, monsieur. Bah donc, dans le mesure, c'est dans le baisser, quoi. L'importance des bâtiments. Ça veut dire quoi, baisser, en fait? C'est-à-dire qu'il y a des pertes humaines. Des morts. Des morts, voilà. Ouais. Enfin, l'important, c'est la fin, c'est le terminal. Et là, mais allons, deux secondes. Ouais, il y a de plus en plus de morts. À un moment donné, il y a aussi des bifurcations. Ce sont quoi les bifurcations? Les retraits. C'est la stratégie de bataille. Wow. Et du coup, ce qui est en problème au-dessus, c'est le déplacement spatial. Ah bon, merde. Pas mal. Ouais. C'est sont quoi les bifurcations? Pensons un peu, parce que la visualisation de données, elle est belle, parce que ça c'est vraiment un peu comme un roman qu'on a bien fait. C'est quoi la bifurcation? Là, vous voyez, là, il y a une bifurcation. Là, il y a une autre bifurcation. Qu'est-ce qui s'est passé là? Imaginez, hein, la Russie, la campagne russe. Fait froid, il y a de la neige, on est en bataillon et il y a cette enfant de Napoléon qui nous fait faire des trucs un peu bizarres. C'est quoi la bifurcation? Des stratégies. Des stratégies de bataille, des gens qui, parce qu'il y avait une stratégie de bataille un peu bizarre, ils se sont perdus. Ouais, c'est très bien, si on veut, c'est une stratégie de bataille. Ouais. 40 personnes. Ouais. Se sont perdus. Tous les moments où il y a des bifurcations sur le Belge, ils sont partis, des soldats, qui se sont perdus. Ils sont allés ailleurs. Vous voyez la proportion. Après, au fur et à mesure, vous voyez, on arrive à Moscou. Regardez la proportion entre combien de gens sont partis et les gens qui sont arrivés. Le noir, c'est quoi? Le retour. Le retour. Ok. Et ils sont rentrés les ils sont morts. Regardez qu'est-ce qui se passe là. Regardez encore la beauté de Minard. Là, on a la fleuve, les deux. Regardez en fait et imaginez des gens qui sont les gens qui sont partis, qui sont arrivés à Moscou, dans la neige, la défaite. Ils rentrent, ils rencontrent la fleuve. Regardez comment chaque fois qu'il est à la fleuve, il y a la moitié. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Les plus intelligents, les plus intelligents, ils sont là. Vous voyez, quand on parle de détecter la population, là, on peut bien la détecter. Les intelligents, ils ont tout de suite cassé. Ils sont attendus un peu dans le froid. On peut imaginer qu'ils voilà, ils sont pas passés un bon moment. Et après, ils sont rattrapés, les autres sont rentrés. Il y en a un quart qui est rentré quand même. Ouais. Et voilà, on a la proportion du drame, là. Entre le neige et le noir, là, ils sont des morts, hein. Ils sont des corps. Français. Donc, qu'est-ce qu'il fait encore Minard? Vous voyez comment on arrive à parler. Il nous donne aussi, parce que c'était pas suffisamment tragique cette histoire, là, il nous affiche les températures. On parle de moins 30. Ah, d'accord, la violence du... Quel contexte. Voilà, la bonne visualisation, ça vous fait parler. Ça vous fait parler, ça vous donne la possibilité d'individuer des gens intelligents, des autres moins intelligents, de construire un monde. De construire un monde, vous l'avez là derrière. Préparons avec un français, là on termine avec cette partie un peu théorique, machin. Là c'est Marais. 1882. C'est quoi ça? Il faut lire. Là, vous avez compris l'histoire. Là, je m'attends que si j'étais un très peu efficace, vous êtes dans cette démarche-là de connecter les yeux, le cerveau, le doigt. Les premières choses qui vous accrochaient, sur lesquelles accrochez. C'est le temps. Quelqu'un qui lève la main et ne fait pas tout un roman de sens d'histoire comme celui-là de Minard, sur la campagne de Napoléon, mais il nous raconte qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Faisons un petit paragraphe. Imaginons d'écrire un paragraphe qui accompagne cette visualisation. Cette visualisation, c'est petit point. Pas peur. Justement, les fuseaux horaires en France avancent vraiment l'harmonisation, la unification des fuseaux horaires selon chaque ville qui sont à un moment donné. C'est trop belle cette histoire. Merci. C'est pas exactement ça, mais elle est trop belle. Moi, j'imaginais tout, chaque ville qui avait son horaire, hein, et après ça n'était pas souvent à se retrouver. En bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit des chiffres. Ouais, ouais. C'est les trajets en train, une distance. Vas-y, Benjamin, cette visualisation nous parle de petits points. Il parle de la distance entre deux villes et le temps de trajet pris. Alors je ne sais pas si c'est par la route ou en train. Ok, donc ça veut dire qu'on la lit comment? Là, on a compris l'objet, on l'a situé. Chaque départ d'un point, c'est un train qui part à une heure précise et qui va à une ligne qui suit. On voit du coup à quelle heure il départ et à quelle heure il arrive. Ok. Pourquoi il y a des lignes qui sont comme ça, des autres qui sont comme ça? Non, il y a les angles qui sont opposés. Il y a des angles égaux. C'est dans le sens. Ce pas de Dijon à Paris, de Paris à Dijon. Voilà. Donc, alors, là c'est quelle heure? C'est 11h. Imaginons. Ah voilà, parfait. Je suis exactement dans les temps. Vous avez vu comment j'ai calibré les slides? C'est hallucinant. Je pars de Paris et je veux arriver à Lyon. Vous voyez, je commence là. Et après, il y a des petits traits horizontaux. Ça veut dire quoi? On change de train. Je change de train, je change là et j'arrive à Lyon à 10h du soir. Donc vous comprenez bien qu'il a, on est en train aussi de visualiser des technologies. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est ça. La différence entre ça et ça, c'est le TGV. La bonne visualisation, ça nous parle aussi de son contexte historique. Ça, c'est au temps de Marais, Étienne Jules Marais, vous voyez bien le personnage. Et ça, c'est le TGV. Dans cette histoire, et je vais un peu vite, il faut faire un gros saut et arriver à ces deux messieurs, Otto Neurath, qui était un psychologue, qui c'est le premier à collaborer avec un designer, un graphiste, qui c'était Gerhard Arndt. Je n'arrive pas jamais à le prononcer. Et c'est le premier qui invente ce qu'on appelle l'isotype. L'isotype, en fait, ils sont les deux, ils faisaient partie du cercle de Vienne. Donc c'est un moment un peu spécifique de l'histoire de l'humanité. Une vision du monde qui était probablement très top-down, et l'idée c'était celle-là d'acculturer les gens, leur donner la possibilité de s'orienter dans la complexité du monde, mais une complexité des informations, qui c'était quelqu'un qui les donnait aux autres. Et donc c'est pour ça qu'ils inventent ce système très efficace, et c'est pour ça qu'il faut se méfier. Dès qu'il y a de l'efficacité de lecture, il faut un peu se méfier. Qui sait, c'est là de tout encoder dans des signes, dans des formes qui ressemblent à ceux qui représentent les icônes. Et donc voilà la possibilité de montrer la complexité du monde, mais une complexité qu'on a réduite après coup, et donc on est sûr de maîtriser les résultats. Au fur et à mesure qu'on a changé dans le temps, là on arrive à une simplification extrême de ce qui est le message qui devrait nous faire parler. Et ce moment-là, c'est un moment très délicat. C'est là où, en fait, les enjeux politiques aussi de la visualisation de données commencent à se mettre en place, avec une distinction très forte entre quelqu'un qui produit des connaissances, c'est pas plus des données, c'est des connaissances, donc un système de pensée, et le transfert à des gens qui sont dans des autres situations. Dans une situation qui s'appelle celle-là de pouvoir. Et après, probablement, le monsieur sur lequel non, la plupart de ceux dont on est entouré, aussi les choses qui ont produit, qui a fait une grosse innovation, c'est Jacques Bertin. Jacques Bertin qui invente, réécrit en fait, parce que lui il s'appuie, on le verra, sur certaines théories cognitives et d'écriture, il écrit la sémiologie graphique. Donc je vais vite parce qu'on va le reprendre. Vous voyez ces cartes-là, ils sont la même famille de toutes les cartes que vous avez là. Là, ils sont les origines. Hein. C'est très émouvant pour moi de les avoir. Le moment, et là on termine vraiment la partie historique, l'autre moment sur lequel il faut réfléchir sont les années 70. Il ne s'agit pas d'un prêtre aussi s'il est très concentré, mais regardez cette image-là, c'est John Takei. Regardez ce qu'il y a derrière, il y a une montre. Encore cette idée du temps, mais ce n'est pas du temps qu'on peut dépenser pour analyser les données, mais c'est un temps d'efficacité d'analyse des données. Là, il y a le premier mainframe de la IBM. C'est le moment où, en fait, la visualisation des données et les données changent complètement de relation avec le temps. Avant, on avait le temps de les écrire, les visualisations, les produire, les lire et aussi les lire aux autres. Là, c'est le moment où la vitesse, ça devient l'objet central et donc il faut produire des visualisations à la chaîne. C'est le moment de la data exploratory data analysis. En français, Diego Edmond, exploratoire des données. C'est le moment où on a monté les scatterplots. On plot, et on essaie de voir s'il y a des corrélations. Le changement, il est très fort, ce moment-là. Heureusement, il y a des gens qui sont moins stylés de John Takei. Takei avait les mêmes lunettes de Johnny Depp, ils sont des monstres. Lui, il y a des lunettes qui ne sont pas très hyper, ils sont pas stylés comme les autres, mais vous voyez, il est plus souriant. On commence à respirer un peu dans le monde de la visualisation, et on commence à faire des choses comme cela. Qu'est-ce que c'est ? Laissez l'image vous mettre en mouvement pour parler. Il n'y a rien. J'ai enlevé tous les méta-informations. Hein? C'est juste pour se concentrer juste en seconde sur qu'est-ce que pourrait nous dire cette image. On a parlé. Chaque fois que vous voyez un rond, imaginez la fertilité, le monde, le globe, le tout. Une déformation. C'est quoi la première chose qui vous parle? C'est pas linéaire. C'est pas linéaire, ouais. Parce que c'est effectivement de forme. C'est pas régulier. C'est quoi qui est pas régulier? Il y a voulu avoir des courbes bien nettes, des cercles bien nettes. Pense à la logique. essayer de décoder des éléments. C'est qui change ? Il y a vraiment le cercle extérieur, il est même. Et par contre, il y a toute une partie qui n'est pas colorée. Donc, ça donne. Enfin, si on revient sur l'histoire de Camembert, ça donne l'impression qu'il considère qu'il y a une partie, je sais pas, et qu'il estime. C'est super cool de faire, c'est on s'amuse, mais c'est pas bien. Moi, je vous raconte une histoire super belle. C'est un peu comme les changements. Mais non, c'est nous. J'adore que les gens sont dans la liberté de dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Essayez vraiment de lire. C'est quoi la chose qui change ? Les couleurs. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut se mettre à mouvement, à dire. Et essayez de détecter ce qui change. Parce que c'est la chose qui vous donnez comme acquise. Et les autres, non. C'est quand qui la couleur change ? Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des différentes couches de couleurs. Mmh. Et donc, il y a des cercles qui sont déformés. On a limite les cercles, il y a aussi une épaisseur. Ouais. Le bleu a une certaine épaisseur. Ouais. Vert, une autre. Ouais. Alors là, on n'a pas des problèmes où vous voyez qui c'est un truc un peu organique, c'est un peu naturel, non ? L'impression de totalité, de globalité. C'est quand dans des trucs un peu naturels, il y a des changements de couleur ? C'est quoi qui, dans une temporalité, le rend souci la temporalité, la cyclicité du temps ? Les saisons. Donc, où il y a plus de blanche, on pourrait soupçonner qu'il soit quoi ? Et vous avez eu la visualisation, sans rien, sans aucune autre information, juste en vous appuyant sur votre capacité de vous concentrer et de décoder ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez ? La couleur change. C'est quand la couleur change, sont les saisons. Là, on a compris qu'il s'agit du temps. Vous n'avez pas la base de données qu'il y a derrière, qui sont tout. C'est 1 500 000 images. Toutes les images postées sur Flickr. Flickr, c'était un réseau social très allemand d'il y a 10 ans, où les gens les uploadaient leurs prendre en photo. Martin Wassenberg, avec le scope de se faire un algorithme hyper puissant pour extraire les données. Et là, c'est un truc qui est important. En fait, la visualisation de données, ça devient le gadget aux computer scientists pour faire leurs algorithmes. Ils prennent toutes les photos de Flickr, ils analysent les couleurs dominantes, et en fait, ils ont des couleurs dominantes. Donc, où il y a le blanc, c'est l'hiver. Où il y a plus de bleu, c'est, je sais pas, c'est l'été. Le vert, c'est l'été. À quoi ça sert ? À rien. À tester les algorithmes. À faire des choses rigolos, à sourire. Regardez la différence, là c'est important. La différence entre ces deux personnages, c'est importante. Et lui, quand même, c'est un des pères de la nouvelle visualisation de données. Où la visualisation de données, elle devient instrumentale à la production d'algorithmes. Mais s'il vous plaît, à quoi correspond chaque trait alors ? Chaque trait, les couleurs dominantes. Ils sont des couches. Ils sont des couches de couleurs. Il a pris les photos, chaque photo, il a pris, il a extrait les 5 couleurs dominantes. Et après, pour chacune, il faut imaginer qu'il y a des tranches, des tranches, des cartes de départ. Et au fur et à mesure, dans le temps, les couleurs dominantes dans les photos, ils changent. Voilà, on a le changement de chromie du monde, par le biais de Flickr. Et le trou au milieu n'a aucun sens partout. Il est beau. Et commençons, voilà, il est beau. Que m'apporte de le regarder. C'est important. J'ai l'impression d'avoir un tuyau, en fait, sur lequel il est beau. Alors, essayons, je redeviens sérieux et on passe à la deuxième partie. Alors, dans cette histoire, en fait, on voit deux choses importantes qui font de la visualisation de données un objet pour des visualisations, des représentations graphiques d'informations et de données, un objet très bizarre. C'est un objet bizarre parce que c'est à la fois un objet qui sert à nous pour comprendre le premier Excel avec les annotations des étoiles. C'était quelque chose qui l'était pour le scientifique, pour le sociologue, pour l'astronome, pour lui. C'était un objet intime. C'est pour nous, en tant qu'individus, au collectif de recherche, de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous. Mais après, le même objet déformé, il devient un objet de communication. Il doit être véhiculé dans le monde tout seul pour raconter des histoires. Imaginez Florence Nightingale, elle prenait ses notes sur les morts et les blessés. C'était un objet pour elle, aussi sa visualisation. Et après, le même objet, il doit dériver et aller dans les chambres de décision de la reine pour décider si l'hôpital il faut le faire ou pas. Donc, c'est-à-dire que c'est un objet qui vous maîtrisez à la moitié. Et vous croyez de maîtriser parce que vous l'avez construit pour vous. Et donc, vous dites, mais c'est évident, regarde. Tout est écrit. Et après, lui, il sort, il va tout seul dans le monde et les gens lisent, peuvent lire tout autre chose. C'est là la difficulté. Et c'est pour ça que je vous invite, chaque fois que vous faites un Instagram, de le lire. Parce que si vous le lisez, probablement, vous maîtrisez un petit peu de sa vie en autonomie dans le monde. Parce que si vous n'arrivez même pas vous à le lire, probablement, il y a un problème là-dedans. Et ça arrive. Parce que les visualisations données, vous les faites toujours à la fin de votre travail. Probablement. C'est vrai, on dit on fait les visualisations pour écrire un papier scientifique. J'espère qu'il soit comme ça. Parfois, ça se passe que, bon, on met une figure là, et vous le faites après. Comment ça marche? Comptez les combien de zéros il y a dans cette image là. Combien il y en avait? On commence à voir comment ça marche la visualisation. Combien il y en avait? Plus de 2. Ça, c'est la visualisation. La visualisation, en fait, elle fait exactement ça. Il prend des choses, il les modifie légèrement, et j'essaie de mettre en évidence certains autres. Là, c'est juste la couleur qui nous donne la possibilité de compter. Et donc, parfois, on a des situations comme ça. Mesdames, messieurs, un exercice de sûreté va commencer dans quelques instants. Nous remercions sincèrement. Soit c'est celui où il faut sortir, soit c'est celui où il faut rester dedans. Security exercise will begin in few minutes. Thank you in advance for your participation. Mesdames, messieurs, un exercice de sûreté va commencer dans quelques instants. Nous remercions par avance pour votre participation. Ladies and gentlemen, security exercise will begin in few minutes. Thank you in advance for your participation. Il y a deux possibilités. Soit il faut sortir dans la cour par là où vous êtes rentré, soit on reste là et on continue. C'est un exercice de confinement, ce qui existe. Ouais. Pour se cacher sous les tables. Non, c'est pas tremblement de terre. Non, c'est pas tremblement de terre, c'est le terrorisme. Le terrorisme, faut juste fermer la porte. Ah, c'est terrible, c'est qu'on est abonné au BSM, c'est pas le premier. Allez, rentrez dans le milieu de gens, on va arriver en blé. Désolé. C'est suspense, là. Ouais, bah, ça, ouais, ça, d'habitude, c'est une grosse sirène d'un coup, c'est beaucoup plus. Déclenchement du plan particulier de mise en sûreté. Déclenchement du plan particulier de mise en sûreté. Appliquer les mesures de confinement affichées dans les salles jusqu'à la levée de la procédure par le chef d'établissement. Théoriquement. Activation of the special safety measures plan. Activation of the special safety measures plan. Please execute the containment measures displayed in the rooms until the lifting of the procedure by the school principal. Étant donné qu'on sait que c'est un exercice, bah, je vous le fais quand même. Normalement, on va pas. Ça, c'est normal. On doit aller. Ah non. Je suis juste un passage. Déclenchement du plan particulier de mise en sûreté. Déclenchement du plan particulier de mise en sûreté. Appliquer les mesures de confinement affichées dans les salles jusqu'à la levée de la procédure par le chef d'établissement. Moi, je vais voir le chef d'établissement. Activation of the special safety measures plan. Activation of the special safety measures plan. Please execute the containment measures displayed in the rooms until the lifting of the procedures at the school principal. Appliquer les mesures rester dans les salles jusqu'à la levée de la procédure par le chef d'établissement. Activation of the special safety measures plan. Activation of the special safety measures plan. Please execute the containment measures displayed in the rooms until the lifting of the procedure by the school principal. Déclenchement du plan particulier de mise en sûreté. Appliquer les mesures de confinement affichées dans les salles jusqu'à la levée de la procédure par le chef d'établissement. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un piège. Diego ? Ah non, c'est pas Diego. Bonjour. Excusez-nous, c'est un exercice de sûreté. Ouais. Donc vous pouvez pas savoir, normalement il faut aussi de confiner et de fermer ses portes. Ok, ok, ok, ok. Caché. Ok. Et pareil derrière. Voilà, ça va se finir dans quelques minutes. Ok. Donc je ferme la porte. Voilà, s'il vous plaît. Essayez de vous cacher à des. Donc aujourd'hui vous travaillez toujours en Italie, vous êtes ici, vous êtes pardon. Aujourd'hui votre activité, vous êtes en Megalab. En Megalab de Sciences Po. D'accord. Ouais. Je m'occupe un peu moins de visualisation de données parce que les ingénieurs du Megalab sont hyper forts à faire de la visualisation, donc ils n'ont pas besoin de moi. Benjamin et Guillaume qui sont la derrière. Je leur ai appris presque tout. Je les ai mis à la grenouille. Et donc voilà, ils n'ont pas besoin de moi, il ne faut pas les coacher. Donc non, aujourd'hui, je m'occupe un peu de comment des méthodes de design elles peuvent se mélanger, hybridiser avec les sciences sociales. Donc plutôt que méthode participative, c'est de remise en discussion des données. On reste toujours en train d'accrocher aux données. Mais voilà, c'est pas la recherche qu'on est en train de mener, elle n'est pas autant sur l'innovation dans la visualisation, dont il se passe très peu de choses côté design. Et donc voilà, on essaie de remobiliser le design dans cette histoire un peu avec ses capacités de participation. C'est-à-dire comment on peut, autour d'une carte, stimuler une parole différente. C'est pour ça aussi que je vous invite à parler. Je ne sais pas si on doit, selon vous, on peut continuer. Est-ce que ça va jusqu'à là ? Parce que ça se trouve, vous êtes hyper averti et je suis en train de raconter des histoires que vous connaissez déjà. Ça va ? Alors, comme je disais, là, on arrive encore à la partie qui est un peu plus technique. On a déjà compris, j'avais déjà compris, vous savez, en fait, qui les tableaux, ils sont une forme de visualisation. Mon invitation, en fait, avec un exemple très bête et méchant, c'est quand vous avez très peu de données, n'essayez pas de les visualiser, parce que votre tableau, il est déjà une visualisation. Essayons de voir, en fait, les effets et les différences entre deux modèles visuels. Celui-là, tabulaire, et celui-là, qui c'est l'encodage dans des surfaces de certains données. Est-ce que vous arrivez un peu, encore une fois, à verbaliser les avantages et les désavantages de l'un et l'autre ? Ce sont des exercices débiles, je vous propose. Mais essayons de dire c'est quoi qui s'est bien là, et c'est quoi qui s'est bien là, c'est quoi qui s'est pas bien dans l'autre, hein? Pour la visualisation en bulle comme ça, c'est pas mal, oui. C'est pas mal pour. Levée du plan particulier de mise en sûreté. Levée du plan particulier de mise en sûreté. Les mesures de confinement sont suspendues. Lifting of the special safety measures plan. Lifting of the special safety measures plan. Containment measures are suspended. Je pense DSJ, la direction qui s'occupe. Le vestibulaire particulier de mise en sûreté. Les mesures de confinement sont suspendues. Lifting special safety measures plan. Lifting special safety measures plan. Containment measures suspended. J'espère que c'est fini. On est censé, on était bien, comme je vous l'ai dit, tous censés être dans la cafette, donc nous y étions. Par contre, il y a une chose qui était importante, c'est qu'on est censé pouvoir s'enfermer de l'intérieur. Mesdames, messieurs, parce qu'il n'est pas possible, ni là, ni là, ni de l'autre côté. Vous remercions de votre patience. C'est remonté à la direction. Ladies and gentlemen, this is your message. Vous avez encore. Vous pouvez ouvrir la porte d'un côté et de l'autre, si t'as pas la clé, c'est ouvert. Mais je n'ai pas la clé. J'aurais pas pu vous mettre en sécurité, je suis vraiment désolé. Ladies and gentlemen, the security of the site is now over. We thank you for your patience and wish you a good day. Mes excuses. Par une fois, j'étais pas prêt. Donato. Je disais que la représentation en bulle, ça les différences entre les émissions entre pays, ça donne tout de suite aux yeux. On voit les plus gros émetteurs, etc. Sans aller lire les chiffres pour comparer soi-même, ça prend un petit peu plus de temps. C'est un peu plus rapide de voir tout de suite quels sont les plus gros émetteurs des SOV, etc. Vous êtes d'accord? Je me permets juste de demander, est-ce que vous êtes d'accord? En quoi t'as pour sur la Chine et l'Allemagne, oui, c'est ça paraît assez bizarre parce que cette fois, il y a un problème de proportion. Le problème, on a pu faire un tri plus simple. On aurait déjà eu l'essentiel de l'argent. On avait envie de chiffres en plus. Posez-vous toujours la question, est-ce que ça joue à passer du temps à faire la visualisation? Dans la plupart du temps, vous n'avez pas besoin. Ordonnez votre tableau, trouvez des critères de tri à l'intérieur des tableaux et n'essayez pas de basculer sur une visualisation comme ça. Oui, c'est plus beau, la beauté c'est importante. Mais vraiment, la beauté c'est importante, l'esthétique c'est importante. Oui, c'est vrai, on arrive à comprendre Chine, les États-Unis, c'est là qu'ils sont un peu les outliers, c'est là qu'ils sont les plus évidents. On l'aurait eu aussi là-dedans, si ce tableau il était trié. Ça, c'est le cas où vous avez des données très simples. Parfois, vos données elles sont un peu plus compliquées. Vous avez des tableaux gigantesques, vous avez des databases relationnelles, vous avez des databases, je ne sais pas. Voilà, vos données sont plus complexes. Dans mon milieu, qui c'est celui-là du design, nous, quand on est, et je répète, c'est celui-là du design, c'est pas celui-là de la statistique, c'est ni celui-là de la computer science. Quand on est confronté avec des datasets qui sont un peu plus complexes, on s'appuie sur une méthodologie qu'on appelle bootstrapping. Le bootstrapping, c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre ordi quand il est en train de démarrer. Quand il est en train de démarrer, votre ordi, il fait une chose. Il se pose lui-même la question, est-ce que je suis vivant ou pas? C'est la chose la plus simple du monde. Le critère du bootstrapping, c'est commencer avec des tâches hyper simples pour se donner la possibilité de faire des tâches plus complexes. Même chose dans la visualisation de données. On commence à faire des visualisations hyper simples et au fur et à mesure, à l'intérieur de cette évolution de complexité d'une visualisation, on essaie d'arriver à des choses qui sont plus parlante, plus complexe. Mais, et donc ça veut dire qu'avec des tâches très simples, il faut aller toujours à l'intérieur des données, aller voir qu'est-ce qui c'est possible de faire, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui c'est intéressant de faire et comment. Ça veut dire que la visualisation, il fait toujours partie d'un espèce de cycle épistémique qui s'arrête jamais. En fait, vous faites des visualisations pour comprendre. Après, vous comprenez des choses, vous manipulez les données, vous faites des autres visualisations et vous loupez comme ça à l'infini. Et c'est pour ça que les designers sont un peu bizarres parce qu'ils font des loops. À un moment donné, il faut la couper, cette chaîne. Mais il faut rentrer dans cette chaîne. Il faut rentrer dans une chaîne où vous commencez à visualiser pour manipuler les données. Vous manipulez les données pour visualiser et vous loupez à l'intérieur de ça. Regardons avec un exemple comment ça marche. Là, alors, on n'arrive pas à tendre la première rangée de lumière. Ah non, pour. On apprend des choses. Non, ça sent les non. Mais moi, je ne vous vois pas, donc je ne vois pas quelles sont vos réactions. Et pour moi, c'est important. Non, hors de question. Je ne parle pas dans le vide. Disons, tout est écrit. Sur cette visualisation-là, faite par le Washington Post, c'est joué par de l'histoire des États-Unis récente. Exercice toujours le même. Doigt, bouche, cerveau, œil. Allez chercher les choses qui vous décodez, déchiffrez, et essayez de les enchaîner les uns aux autres pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'il nous dit. Vous pouvez aussi commencer en disant la chose la plus simple, c'est un tête-à-tête, non? Bouche contre Obama. C'est qui gagne? C'est qui le mauvais gars et le bon gars? Le vilain et le super-héros? Bah, on est aux États-Unis, il ne faut pas bien voir la Marvel, non? Et je rigole pas, mais il faut se mettre à la place des gens. C'est qui le héros? Sur les graphiques, c'est plutôt Bush. C'est une sorte de couleur, C'est qui le vilain, c'est qui l'héros? C'est assez difficile. D'abord, on se rend difficilement compte de l'histoire dans ce sens-là. Mais lisez. Avant de faire la critique, non? Imaginez un texte littéraire. Avant d'en faire la critique, on le lit. Essayons de faire le même. Avant de dire c'est compliqué avec les couleurs, c'est ceci, cela, mais c'est un peu l'équivalent de la critique littéraire. Lisons cette visualisation. Et comme tout roman, il y a un bilan. Et il y a un super-héros. Essayons à moins d'arriver à comprendre c'est qui le vilain et qui le super-héros. Et après, on comprend à l'intérieur de la syntaxe et à l'écriture de cette visualisation-là, quels sont les points mauvais et les bons points dans cette écriture. Déjà, dans le choix des couleurs, le fait d'avoir une bouche en rouge qui ressort un peu. La symbolique du rouge. Il y a une attention plus forte sur les chiffres. Ça relève encore un peu de la critique. Moi, je vous demande vraiment de me prendre le temps de dire cette visualisation nous dit que. Avec Bush, les pertes d'emploi ont augmenté progressivement tout au long du mandat, et avec Obama, les États-Unis. Vous êtes d'accord? Ce qu'elle dit, c'est dans le temps, corrige-moi si je me trompe. Sous l'administration Bush, on a perdu au fur et à mesure des emplois. Là, on a des chiffres négatifs. Hein. Et là, il écrit job loss. Donc, on a perdu de plus en plus d'emplois. À un moment donné, il arrive un super-héros habillé en bleu, qui de moins en moins. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il limite sa perte. C'est-à-dire qu'il renverse la tendance. Il renverse la tendance. Il l'équilibre. Voilà. Tout le monde est d'accord? Ça y est. Je ne sais pas si c'est l'équilibre. Vous voyez comment l'équilibre. Moi. Chacun, il doit la lire. Hein. Imaginez, les gens, ils sont votés. Ça, c'est sorti juste à. À un moment du midterm mandate d'Obama. Si en fait, tu supprimes moins d'emplois. Moins d'emplois sont supprimés. Moins d'emplois sont supprimés. Imaginez, c'est qui le vilain et c'est qui le bon gars? Et là, juste pour rebondir sur la question du couleur, on est aux États-Unis. Rouge et bleu, ils sont accrochés aussi à partie. Hein? Attention. Donc, c'est Obama qui gagne. Il a tout rattrapé. Est-ce qu'on est d'accord? Yes. Obama, c'est notre super-héros. On est d'accord? Et le super-vilain, c'est Bush. Ok. Même données. Exactement les mêmes données. Essayons de lire ça. Et c'est ça la manipulation que je dis. La visualisation qui nous donne la possibilité de faire des autres visualisations parce qu'on on comprend qu'on doit faire des autres choses. Qu'est-ce qui se passe là? Comment on la lit? Les gens confrontés à votre vise doivent faire ça. Donc si vous n'arrivez pas à les lire vous, les autres, ils n'arriveront jamais à les lire. Donc essayons de prendre le temps de lire. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi la différence avec les autres? L'autre d'avant, le cumul. Et est-ce que... Le cumul, ça change tout. C'est le cumul et le seul à je voudrais toujours commencer à avoir des petits paragraphes. Donc cette visualisation-là, à différence de celle-là précédente, qu'est-ce qu'elle fait? Se centre sur le stock d'emplois perdus plutôt que sur le flux par mois. Et donc c'est qui le super-héros? C'est qui le super-vilain? Ça évolue plus vite que sur le fond. Le stock est moins négatif sous gauche que sous le bas, puisque le stock a continué à En fait, là, on avait l'impression qu'il avait tout récupéré. L'effet de symétrie, il est là qu'il se joue. Tout ce qu'on a perdu, on le gagne. Dès qu'on commence à paramétrer à zéro à chaque mois, donc on travaille sur le cumulatif. Regardez sur quoi on doit se concentrer pour la décrypter. Celle-là, elle est plus juste, mais elle est plus complexe à lire. Parce que en fait, la pente, elle est l'entre-deux, entre la grosse pente, en fait. La pente, qui c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à verbaliser. Comment on dit? Comment on le dit? Et c'est juste qu'il voit là, les deux moments, Obama, qu'est-ce qu'il fait? Il ralentit. Mais en fait, le moment de pente, celui-là où on perd vraiment les jobs, il est partagé entre les deux. Et c'est un moment très particulier. On est en 2009, en février, il s'est passé quelque chose au niveau économique. Donc c'est ni l'un ni l'autre. Mais c'est difficile à verbaliser. On n'arrive pas à dire que c'est ce moment-là entre deux qui s'est vraiment... Essayons de manipuler encore un peu la vise, parce que les données sont toujours les mêmes. Qu'est-ce qu'on fait là? Une opération très très facile, très débile. On a juste rendu un peu justice à Bush en disant, avant Bush aussi, il y avait du chômage. Et dès que vous commencez à faire ça, vous voyez que tout s'équilibre en fait. Et il y a un moment en fait où tous les deux sont perdus. Donc on n'a pas de super-héros et de vilains. Sauf que ça s'est sorti dans un journal. Moi je tiens pas pour Bush. Mais il faut quand même lui rendre un peu de justice. Bah c'est... Non? Évidemment. Ça, c'est quelque chose de très connu. Si vous regardez cette image, probablement, si vous imaginez qu'il soit vos finances, probablement, vous arrachez les cheveux. Vous n'êtes pas très content. On le sait très bien qu'ils sont des choses qu'on peut manipuler. Vous voyez qu'est-ce que j'ai fait là, c'était très simple. Il y a un débat sur cette question-là. Et en fait, cette question des heures, c'est comment ça se déroule. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le fait de commencer? Qu'est-ce que vous en pensez, notamment des scientifiques? Bah, moi... Les gens qui font de la vulgarisation scientifique, notamment en physique, discutent beaucoup cette question. Ils disent, moi je suis en sciences humaines, je représente... Juste pour contextualiser avec tout le monde, en fait. Là, la question, c'est, il y a une grosse question, en fait. Vous voyez là, mon zéro, c'est 8500. En fait, mon datum, ça vient 8500. Là, c'est le zéro. Il y a, dans la communauté, il y a des gens qui essaient de comprendre, est-ce qu'il y a une règle absolue qui nous dirait où il faut commencer? Ma réponse, c'est non. essayez de faire l'un et l'autre. Donnez-la à votre mari, votre compagnon, votre chat, faites-la lire et vous regardez ce qui se passe. Sont les autres, la clé de lecture de vos visualisations sont les autres. Vous êtes, c'est pas vous, ni des protocoles, ni des méthodologies. Si vous rentrez pas dans cette capacité de montrer aux autres qu'est-ce qu'ils lisent dedans, vous n'aurez jamais une bonne visualisation. Après, il y a des domaines hyper scientifiques, hyper spécifiques. Or, le domaine des disciplines scientifiques hyper pointues, dans la physique nucléaire, elles sont des choses qui ne sont pas pour le grand public. Mais si on va vers le grand public, moi je peux bien imprimer ça, donner deux versions à ma cuisine, à mon chat, et dire bon, qu'est-ce que tu préfères. Juste une remarque par rapport à ça, je pense que c'est vrai que c'est très variable, par exemple, en physique, en sciences dures, entre guillemets, si on veut représenter des variations de température et on donne l'importance des variations de ce qu'on appelle le réchauffement climatique d'un degré et demi, ça a du sens de ne pas commencer les chaînes zéro. Ouais. Puisqu'on peut justifier pourquoi cette variation, même très petite, est très très importante, alors que dans d'autres cas, c'est un peu de la manipulation, ouais. C'est le texte qui vient avec. Mais manipulation, c'est le bon terme, parce qu'il faut toujours manipuler. Hein. Oui, bien sûr. Il n'existe pas de la visualisation sans manipulation. Là, probablement, la manipulation qui manque, ça aurait été de mettre un rouge, 8500, de le signaler, de le manipuler encore plus. Et là, pareil, vous pouvez changer l'échelle temporelle et vous voyez que vous obtenez un résultat complètement différent. Donc, si on veut, sur la ligne de ce que je dis, plus vous manipulez, mieux c'est. C'est pas moi qui l'a dit, c'est mon orateur. Donc voilà. Il y a un papier qui s'appelle The More Manipulation, the Better. Il n'y a pas d'accès direct. Et pour rendre les choses intelligibles, il faut les manipuler. Et plus vous manipulez, c'est un peu comme pétrir. Plus vous manipulez, plus votre pâte, probablement, peuvent être bonnes. Parfois, il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Il y a trois bouquins que vous pouvez lire à la plage. La première rangée là, How to Live with Statistics, How to Live with Charts, How to Live with Maths. Ça, c'est pour la... Juste un second, ça, c'est pour la plage. Voilà, pour en parler au bar. En bas, il y a les bouquins de Edward Tufte, qui c'est un des gourous de la visualisation donnée. Lui, il est très accroché sur des critères objectivants pour trouver la bonne visualisation. Du genre, la bonne visualisation, c'est celle-là qui implique moins d'encre pour centimètre carré de papier. Ok ? Je ne rentre pas dans ces détails techniques, on pourrait en discuter. Si vous voulez, je vais partager avec vous les PDF des bouquins. Mais voilà, il y a une tension dans cette histoire. Le zéro, est-ce qu'il faut le mettre, est-ce qu'il ne faut pas le mettre? Moi, comme designer, je m'en fiche un peu. Moi, j'imprime et j'essaie d'aller auprès des gens et de les lire. Ça, c'est mon invitation. Essayez de faire ça et pas vous appuyer sur des critères objectivants pour comprendre si votre visualisation marche. Voilà. Parce que vous êtes toujours dans une situation de trade-off. C'est pour ça que je disais manipulation. Là, vous la reconnaissez, c'est l'endroit, sa carte. C'est là qui nous permet de mémoriser. L'objectif, c'est la mémorisation. Parce que tout est aligné, on voit des patterns, on voit des choses qui sont très différentes de sa projection dans le monde réel. Si vous ne connaissez pas l'orographie, la géographie de l'ombre, c'est difficile. Qu'est-ce que ça se passe d'un passage de l'un à l'autre? Vous perdez en fait la proximité spatiale. Là, tous les petits traits que je me suis amusé à faire, c'est parce que moi je déteste Londres, je veux passer le moins de temps possible dans son métro et à l'extérieur. Tous les petits traits, en fait, ils sont les changements qui impliquent moins de 3 minutes entre deux stations. Si vous prenez le métro, vous faites des périples impossibles. Ces trade-off-là, en fait, comment l'estimer, comment l'évaluer, c'est en fonction des gens auxquels vous vous adressez. Il n'y a pas à aller vers les autres. Si c'est une visualisation pour vous, on s'en fiche, vous lisez. Moi, j'espère que vous arrivez à lire votre écriture, je suis sûr. Mais s'il faut écrire à votre amoureux, soit vous lui apprenez votre écriture en polisant, moi l'écriture en polisant, soit vous écrivez un peu bien. Et comment on va écrire un peu bien? Il faut aller vérifier. Comment on écrit un peu bien? Reprenons un peu la Bible. C'est le bouquin de Bertin. Si vous le trouvez à marché des pouces, moi je l'achète à n'importe quel prix, cette édition-là. Pas la nouvelle parce qu'elle est horrible. En fait, Bertin, il reprend un peu une théorie très simple. En fait, il dit la visualisation, c'est un langage. Comme chaque langage, il était influencé aussi par Shannon et Weigel. Il y a quelqu'un qui émet un signal et quelqu'un qui le reçoit. Et cet échange-là, il se passe si les clés d'encodage et décodage du signal ils sont partagées entre les deux. La seule différence entre l'oralité et l'écriture, c'est que dans les systèmes visuels, dans les langages visuels, les clés ils peuvent voyager avec le message lui-même. C'est ce qu'on appelle la légende. La légende, c'est le porte-clé de la visualisation. Et là, on arrive aussi à autre chose. Vous voyez tous les cartes que vous avez autour de vous, ils sont tous corrélés, sauf celle-là, d'une légende. Et c'est la chose qu'on oublie toujours de faire. Mais c'est la légende, en fait, le porte-clé pour donner les clés pour ouvrir les visualisations. Comment on fait une bonne visualisation? Il faut, si on essaie un peu d'être en déconstructif dans cette histoire, Bertin il s'appuie sur ce qui se passait, et c'était passé en fait au temps du Bauhaus, dont on avait décomposé les éléments de la visualité, et on avait tout réduit à des points, des lignes, des surfaces. Donc, la première chose qu'il faut s'imaginer, quand je fais des visualisations, c'est mes données, ils doivent être transcodés, qui c'est un mot un peu plus beau qu'encodé, chiffré, encrypté, transcodés, on change de code, parce qu'ils sont déjà codés dans mon tableau Excel, donc je les transcode, soit dans un point, soit dans une ligne, soit dans une surface. Je ne peux rien faire d'autre. Dès que je reste dans le 2D, après il y a la réalité augmentée, je peux toucher des choses, mais là, elles sont dans le domaine impossible. Toutes vos données, ils peuvent devenir rien que des points, des lignes, des surfaces. Vous ne pouvez pas inventer autre chose. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous travailliez avec un alphabet de 3 lettres. C'est hyper simple. Les couleurs, elles vont arriver. Parce que dès que vous avez transcodé, donc vos données, il devient un point, une ligne, une surface. Après, vous pouvez prendre cet objet-là qui contient vos données et le déformer. Il faut s'imaginer la déformation. Il y a 7 déformations possibles. Pas plus que ça. C'est la position dans l'espace de cette point, cette ligne ou cette surface. Il y a la taille de cette ligne, point ou surface. Il y a la forme, il y a l'orientation. Attention à ces deux choses différentes. C'est la couleur et sa valeur. La valeur, c'est combien il est foncé, si vous voulez. S'ils sont de façon un peu bizarre. Et après, la texture. Il y a 7 possibilités. Donc vous travaillez avec un langage qui est vraiment très rudimental. Il y a 3 lettres et 7 façons de les agencer, de les modifier. Et c'est tout. Si vous maîtrisez 3 plus 7, vous êtes les plus grands visualisateurs du monde. Bah c'est sûr. Il faut juste faire des exercices. Ouais. Pourquoi il dit Bertin, il va vraiment de façon si radicale? Parce que lui, il s'appuie en fait sur ce que dans la théorie, dans une des théories de la cognition, il dit notre cerveau, il est paresseux. Il a envie de rien faire. Donc, pour faire le moins possible, le moins d'efforts, lui, il lit des choses qui n'existent pas. Ils essaient de verbaliser, de nous donner du sens avec le moins d'efforts. Donc, il y a des choses que nous lisons avant de lire. Les choses que nous lisons avant de lire, elles sont les choses composées avec cette logique. Point, ligne, surface, couleur, position, déformation et tonalité. Ça, c'est un exemple. Probablement, si je vous demande qu'est-ce que c'est la première image à votre gauche, vous me direz c'est un cercle. Non? Parce que ça vous prend du temps et de l'effort de dire. Ce sont des petits morceaux de cercle agencés les uns avec les autres. Et après, on a l'impression qu'ils sont tous la même taille et ils ont une flectimicité qui est constante dans le temps et dans l'espace. C'est un cercle. Et ça, c'est le cerveau paresseux. Après, une dégradation des images, probablement, elle est efficace pour le cerveau aussi, en disant, ils sont trois petits traits. Bon, quelqu'un il dirait, c'est le symbole de la radioactivité. C'est ça qui marche. On a envie de rien faire. C'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, pas de choses compliquées. Aussi, là, on voit un saut, quelqu'un qui saute. Ce n'est pas des frames de quelqu'un blanc et noir, donc stylisé sur un blablabla. Non, on ne fait pas ça. Et vous avez la démonstration la plus évidente, là. Vous n'avez pas envie de travailler. C'est normal. C'est tout à fait normal. On devrait arrêter de bosser. On n'a pas envie. On s'est imposé cette torture de travailler, de lire, mais on ne devrait pas le faire. Et là, là vous avez un autre exemple. Probablement, si je vous demande qu'est-ce que c'est, vous lisez la Terre. Alors que tout est représenté sauf la Terre. Il n'y a que les fleuves. Voilà. Il n'y a pas un morceau de Terre visualisé. Mais c'est beaucoup plus simple de dire c'est la Terre ou le monde. C'est comme ça que les gens vont lire vos visualisations. On l'a vu avec la question d'Obama. C'est simple de dire Obama il a tout rattrapé. Plutôt qu'y rentrer à l'intérieur et décrypter, déchiffrer l'histoire. Donc, comme je disais, attention, ce système-là, le système qui est basé sur la Gestalt, le système qui est basé sur cette théorie des variables rétiniennes, il est super puissant, mais il s'appuie sur une vision de l'homme paresseux. Ça implique beaucoup de choses. Le texte, c'est pas quelque chose qu'on appelle préattentif. Il faut lire pour comprendre le texte. Donc c'est pour ça qu'il faut l'utiliser, mais il faut l'utiliser avec parcimonie. Donc il doit accompagner vos visualisations, il doit être là, mais on ne peut pas écrire un traité juste pour prendre une visualisation. Attention à la couleur. Là, je vais avec les petites remarques par rapport à cette variable visuelle. La couleur, c'est la chose que moi, je vous conseille de jamais utiliser. Vous ne savez pas qui et comment il va lire ses capacités visuelles, les capacités visuelles de ceux qui va lire. Si vous êtes dans le monde arabe, le rapport des Arabes avec le bleu, avec le vert, c'est avec le bleu, il est différent de l'autre. Si vous êtes juif, votre rapport avec le bleu, il est complètement différent de ce qu'on a nous. Les deux, le rapport entre le bleu et le vert, dans ce monde-là, il est bizarre. Donc il y a des éléments qui sont physiques, biologiques, il y a aussi des éléments culturels qui sont accrochés de façon très forte à la couleur, donc moi je déconseille fortement l'utilisation. Et je m'assume toute la responsabilité de ce que je suis en train de dire. Faites les choses noires et blancs. N'achetez pas d'imprimante à couleur, ça sert à rien. Vos écrans, ils sont hyper puissants pour visualiser les photos des vacances. Évidemment, comme je disais, c'est une question aussi de performance physique. Tout le monde passe le test là. Vous les voyez les chiffres. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé chez un ophtalmo? Et là, c'est le moment où je rends service à la société. J'assume sur mes épaules l'impôt du service sanitaire national. Merci. Mais allez-y. Hein. Je crois que vous avez un employeur, un bon employeur avec une nouvelle très bonne. Donc voilà, c'est le moment d'aller. Parce que personne n'a trouvé là. Parce que voilà, la question aussi avec la couleur, et je passe beaucoup de temps avec la couleur, la problématique avec la couleur, c'est aussi qu'on n'est pas capable de verbaliser. Si la visualisation, c'est l'objet qui met en mouvement, on tisse des relations très étroites entre cerveau, bouche, œil et doigt, la couleur, c'est la moins puissante à faire ça. Parce que si on commence de la première rangée, tout le monde est capable de dire noir et blanc. Après, définissez la deuxième. Quelle couleur il a? Et pourtant, on les voit. Mais comment on les pense? C'est presque impossible. Imaginez d'écrire un texte à soutien de quelque chose qui utilise 8 couleurs en échelle ou en dégradé. C'est difficile. C'est difficile. On n'a pas les mots. La visualisation, c'est surtout une question de mots. C'est une question de parole, de changement de la parole prononcée sur Internet. Vous arrivez à voir les différences jusqu'à où de tonalité. Faisons la deuxième partie du test avant. Là, ça va. Vous arrivez à voir les différences entre les couleurs. Ok, là c'était la norme en statistique. Si vous arrivez à voir là, vous avez une très bonne vue. Voilà. Donc, c'est ça l'endroit sur qu'on va se confronter. Quand on commence à composer ligne, point, surface avec les déformateurs, on va créer quelque chose qui, dans mon milieu, de façon un peu technique, on appelle des glyphes. Un glyphe, c'est la composition, la déformation complexe d'un élément, le point, la ligne, la surface, avec ces 7 variables visuelles. L'exemple le plus beau, jamais fait, je ne sais pas si vous le connaissez, Tchernov, un autre taré russe, qui s'appuie lui aussi sur une théorie de la cognition très forte. Lui, il fait ce modèle-là, qui s'appelle Channel Face, parce que juste avant, quelques ans avant, quelqu'un il s'était posé, au niveau scientifique, la question. Mais ça se fait comment nous, on arrive à distinguer deux jumeaux? Et donc, ils arrivent à dire, il fait des études, et il dit, c'est un scientifique, un anthropologue, il dit, en fait, pour reconnaître nos parents, au fur et à mesure dans le temps, les gamins, dès qu'ils naissent, en fait, ils passent beaucoup de temps à regarder les visages. Donc, au fil du temps, culturellement et aussi physiquement, notre cerveau, il est très apprivoisé, il est très capable, il est très futé à détecter les petites différences dans les visages. Et c'est pour ça que vous arrivez à détecter c'est qui les deux choses. Lui, il prend cette théorie-là, mais si on est si capable, en fait, de détecter les différences entre les visages, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut encoder, avec le système bertinien, des données, par exemple, sur des pays, en disant, la taille du visage, c'est la surface du pays. La distance entre les yeux, c'est l'écart entre les riches et les pauvres. La taille des yeux, c'est combien de femmes et d'hommes ils sont employés. Le sourire, c'est est-ce qu'ils sont des Italiens ou pas. Et voilà. Il n'en fait 15. Et voilà le résultat. Ça, c'est un expériment que moi je fais au fur et à mesure avec mes petits gamins. Je fais des cours de visualisation de données, on récolte des données, toujours les mêmes, et on se fait chacun notre propre visage. Vous voyez, probablement, et là c'est toujours une question de vérification, vous arrivez à voir les différences. Aussi, quand on a des visages un peu bizarres comme des carottes, on arrive à voir la famille des carottes, et aussi un peu de différence à l'intérieur, non? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que notre cerveau, en étant paresseux, il ne va jamais s'en souvenir de qu'est-ce que c'était la surface du visage, c'était quoi la distance des yeux, pourquoi? Parce qu'on est paresseux. Donc, on peut le pousser à la limite, cette histoire de Bertin, on peut pousser à la limite la complexité de nos visualisations, mais sachez qu'on n'a pas envie de lire. Et ça, c'est la démonstration. Donc, il faut faire des choses simples. Redécouvrez les line graphs, les histogrammes. Ne vous laissez pas trop tenter par des gens un peu souriants comme Battenberg qui en a vu tout à l'heure. S'il vous plaît, est-ce que c'est seulement parce qu'on est paresseux? Parce que comment on va faire pour calculer, parler? Ça, c'est difficile. Bah, Bien sûr. Ouais, les deux, ils sont connectés. Moi, pour l'extrémiser, faire passer un peu le message d'un. On est paresseux, mais il y a aussi une difficulté. On n'est pas du tout fait pour faire des maths visuelles. Donc, essayons de faire la dernière partie sur un décodage, une lecture des visualisations basées sur Bertin. Ma question maintenant, ça devient comment ils étaient utilisés la couleur, l'alpha, c'est-à-dire la tonalité, la position, la taille. Essayons de comprendre comment dans des visualisations, ça, c'est cette variable visuelle et les trois objets de transcodification ont été utilisés. Commencez par ce que vous voulez. Vous voulez commencer par la couleur, commencez par la couleur. La position, commencez par la position. Qu'est-ce que chacune des 7 variables visuelles encode dans ces visualisations? Ouais, c'était fort. Décodons la visualisation à la Bertrand. Son spectre, il est ici, hein. Donc rendez-lui justice. Marqué dans les lettres. Où ? Là. À l'intérieur, ouais, c'est pas. Là, on a health, safety, access to services, civic engagement, education, jobs and environment. C'est toujours les mêmes trucs qui seraient plus d'accord. Attention, attention, toujours les mêmes trucs, ça veut dire quoi ? Je veux dire, est-ce que c'est toujours le même test par couleur qui est indiqué par rapport aux assorts ? Ouais. Donc c'est le même ordre aussi. C'est le même ordre de... Et donc, ça c'est exactement. C'est quoi l'ordre ? C'est un peu la. Une... Ah, ça va permettre de comparer les assorts avec l'île de France par thème. Et ça, c'est la position. Il y a un chemin de l'orientation. L'orientation. Ouais. La couleur. La couleur de la position et les mots, en code, on voit la même chose. Ouais. On est d'accord. Ouais. Okay. Diego, tu peux. Voilà. C'est un peu de explicité. La thématique. Les thématiques sont encodées par trois variables différentes. La taille des bâtons qui représentent ces thématiques représente une valeur, une grandeur. Plus il est grand, plus cette thématique est importante dans les différentes régions. Chacun des graphiques est une région. Est-ce que la valeur de la couleur, ouais, la value de la couleur, réencode encore une fois l'intensité en français de la couleur réencode encore une fois la même chose que la taille. On a deux choses, la longueur de l'objet et la valeur encode la même chose, c'est-à-dire la prépondérance de la thématique. C'est ça qu'il faut faire quand vous travaillez avec votre designer, votre le gars qui fait les scripts pour faire les visualisations. Il faut dire, je voudrais dans la couleur qu'il vous encodiez ça. Je voudrais qu'il, dans la position, vous mettrez ça. Quelle dimension elle est associée à quoi ? D'une façon très performative, en fait, elle est une mauvaise visualisation. Vous gaspillez beaucoup de variables visuelles pour encoder la même chose. La seule chose sur laquelle moi je me permets de vous faire réfléchir, c'est, vous voyez, l'île de France, elle ressemble, on revient sur une question comme un peu les chatons face, elle ressemble, elle est similaire de façon visuelle, comme profil, hein, c'est pas par hasard qu'on parle de profil, à la province de Trento, en Italie, Bremen, Upper Austria et West Netherlands. Hmm? Le profil, en fait, ça ressemble. Hmm? On le voit. J'espère que vous le voyez. Et en fait, les moyennes de ces valeurs-là, ils sont similaires aussi dans les autres régions. Dès que vous avez des moyennes similaires sur des valeurs un peu plus bizarres, comme les Azores, votre profil visuel, il est complètement différent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut toujours calibrer un peu ce qu'on verbalise en disant « Regarde, ça résonne les choses. » Parce que les chiffres derrière là, en tant que moyenne dans ce deuxième groupe, ils sont tous consistants. Mais le profil visuel, il est complètement différent. Donc parfois, les analyses que vous faites avec les données, avec les chiffres, en sortant des index, peuvent, comme ce cas-là, matcher avec un profil visuel, parfois pas du tout. Hmm? Et comment faire ça ? Il faut essayer. Vous ne le savez pas avant. Okay. Je vous montre un peu comment j'ai travaillé. Et après, Diego, tu me dis qu'est-ce qu'on veut faire, si je dois continuer. Vous dites aussi si, comment vous êtes, comment on est organisé. Mais probablement, ça c'est. Quand je travaillais en Italie, on avait une collaboration très étroite avec Wired, le magasin qui à l'époque était très pointu sur les nouvelles technologies, sur l'impact de la technologie dans la société. Et Kevin Kelly, qui est un des gourous américains sur la question du futur, de l'impact des technologies, il avait écrit dans 2009 cet article-là, qui en fait il commençait à décrire l'impact des plateformes numériques sur la société et commencer à faire quelque chose qu'aujourd'hui on connaît comme le capitalisme des plateformes, tout ce qui lui à cette époque-là il appelait le socialisme des plateformes. Donc, des modalités collaboratives en ligne, ils sont pour lui, à l'époque, ils étaient en train de réinstaller un nouveau socialisme et une production de valeur. C'est juste qu'aujourd'hui, il a pris un autre tournant. C'est pas trop socialiste, on appelle tel quel des plateformes, mais voilà, on est dans le même domaine. Et il m'avait demandé de visualiser, c'était vraiment le travail le plus chiant du monde que j'ai jamais fait. Il m'avait demandé, il m'avait filé une liste de 300 sites web, plateformes en ligne, qui parlaient de ce phénomène. Et il me fait visualiser ça. Il m'avait juste filé des URL. J'avais un tableau avec SoundCloud, Dropbox. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça. On a fait un panorama du socialisme, des plateformes, et je vais vous expliquer comment on a travaillé pour rendre moins chiant la chose la plus chiante du monde, et faire une visualisation. Alors, chaque site web, c'était un petit robot. C'est mon GIF. Bonjour, je suis un site web. En parlant de socialisme, à leur naissance, tous les sites web, on les a fait pareil. Toutes sites web sont pareils. Vous voyez, il y a un principe d'égalité qui en avait avec. Après, on commençait à les déformer, à construire des livres plus complexes, par exemple en utilisant la pu, la tonalité de la couleur. Ouais, donc je vous demande, ce serait on l'a utilisé pour faire quoi? On a encodé, on aurait pu encoder quoi comme données de ces sites web? La fréquentation. C'est-à-dire Le nombre de personnes. Et pourquoi dans la couleur? Pourquoi dans la tonalité? Là, mon exercice, c'est un peu de chercher. C'est les uniformes, les mots, plus j'ai un uniforme coloré, plus il y a un temps, j'ai plus. On parle de sites web, donc ça pourrait être en quoi? De chiffre d'affaires à la plateforme, le nombre de visites. On a dans cet exercice-là, parce qu'on l'a pris vraiment comme un exercice, on a essayé de vraiment humaniser. Aussi, c'était des robots, de les humaniser. C'est quand qu'il y a encore devient un peu blanc. C'est quand qu'il vous blanchissait. Et 4, l'âge, manque de soleil. C'était l'âge. L'idée, cette association, c'était où il est. Grisouillé, plus il est vieux. Grisouillé. C'est interdit. Voilà. Après, on les a déformés selon la taille. Ça aurait pu être quoi? L'exercice, c'est un peu pour vous faire imaginer que quand on choisit les variables visuelles de Bertin, il faut essayer de se mettre dans un espèce de transcodage un peu naturel. Désolé d'utiliser ce mot, je ne l'aime pas, mais qu'il fasse du sens. Donc voilà, la taille, ça pourrait être quoi? Le nombre. Donc, la fréquence, le nombre de visiteurs. C'est des plateformes, donc abonnés. Là, c'était un critère de visibilité. Moi, en étant très petit, j'ai toujours souffert un peu de cette espèce de trauma. Est-ce que je suis petit, je ne me vois jamais. Donc pour moi, la visibilité, c'était vraiment la taille. Et pour le calculer, on est allé chercher des données sur ce qu'à l'époque, il était très puissant, qui était le ranking Alexa. Donc, il vous disait à quel niveau de visibilité votre site web il était. Grosso modo, dans quelle page vous y étiez dans une recherche, dans un moteur de recherche. Donc voilà, plus il était haut, plus il était visible. Et après, on passe sur des choses qui sont un peu du body shaming. Body shaming en français, c'est grossophobie, j'ai entendu grossophobie, mais. Ouais, là, c'est un peu body shaming. On a déformé ces petits robots. Un jouant sur les épaules et les hanches. Ça pourrait être quoi? Sexiste, quoi. Oui, c'est un peu question de body shaming, mais prenons-nous la liberté de le faire parce que ce sont mes créatures. Si sur les objets, il faut toujours bien les respecter, mais je fais un peu comme si c'était mes fils à moi, donc permettez-vous aussi de les attaquer. C'est quoi qui pourrait être un peu... Regardez, c'est une question de proportion, non? Plus de garçons que de filles, la fréquentation, la typologie. C'était en fait le rapport entre les revenus et les dépenses. grosso modo, le rapport entre les épaules et le bassin, c'est le return on investment. Sauf que s'il y a quelqu'un qui est très performant, qui économise beaucoup, il a des grosses épaules. Si voilà, il ne dépense pas trop, il est aussi mince. Okay. Et après, on a la en étant dans cette idée de collaboration, collectivité, cerveau collaboratif, c'est la quantité d'inscrits à l'intérieur de votre force. Vous comprenez bien qu'à ce moment-là, tout est clair. Je ne dis pas que vous connaissez par cœur ces idées, mais vous comprenez que ces trois-là, il faut bien se méfier. C'est les petits trois grassouillés. Les moyens, ils sont petits, tout nouveau et gras. Et là, gras, pardon, je fais du body shaming, ils sont un peu. Voilà, il faut qu'ils se mettent en pause par. Et là, vous comprenez, vous commencez à prendre des décisions. Il y a un petit groupe qui se dégage, et c'est son place, son souvenir. Là, vous voyez, il y a lui qui est le porte-drap. Il est vieux, belles épaules, très haut, stable. Vous pouvez commencer à prendre des décisions. Est-ce que ça va la peine d'investir sur quelqu'un qui ne sait pas comment il va évoluer, ou quelqu'un qui est bien stabilisé, mais je sais qu'il est revenu lourd, mais retour sur les investissements, ils ne vont pas être en... hyper risqué. La position, c'est quoi? Alors, vous voyez qu'on dégage des familles, en fait. Là, ils sont des zones. C'est selon la typologie de, d'activité que tu fais sur la plateforme. Donc, ils sont des variables, ils sont des données catégorielles. Donc, c'est difficile de les encoder dans le système bertinien. Donc là, il y a la musique, là, il y a le partage de vidéos. Et donc, au fur et à mesure, on arrive de juste le sharing d'informations. Donc, c'est un panorama. On a les plateformes qui font du sharing jusqu'à là qui produisent des contenus pour eux-mêmes. Et voilà, vous voyez la différence entre les deux là. Là, c'est sur la productivité, le loisir, les arts. Il est tout seul, celui-là, des arts. Regardez celui-là, il est resté toujours petit. Là c'est bon, regardez, il n'a jamais grandi. Regardez celui-là. C'est quoi celui-là? La science. Voilà. On peut arriver jusqu'à faire ces choses-là. On peut essayer de inventer des mondes. Vous voyez, on reprend un peu la technique, on peut la Turner, celle-là d'inventer, celle-là de manipuler. La question, c'est toujours celle-là d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on lit. Quand on a fait ça, en fait, on avait mobilisé tout un étage en imprimant tous les petits bonhommes et en les distribuant en disant mais qu'est-ce que tu vois là-dedans? C'est quoi la différence entre l'un et l'autre? Donc c'est probablement que vous n'avez pas le temps de le faire, mais probablement quand vous rentrez dans le métro, essayez de donner votre visualisation. Qu'est-ce que tu vis là-dedans? Tout ce que j'ai raconté jusque-là, probablement on doit terminer, Diego. Tu me dis, moi je suis à votre disposition. Moi je peux parler sur cette histoire des heures et des heures et des heures. La question c'est, est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous voulez faire une pause? Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on fait quoi? On a fait 2 heures, enfin on a encore eu le petit décalage, il est 5. On a encore du temps, libre à ceux qui peuvent de rester. On a la salle jusqu'à 13h. Ouais. Tout va bien. Continue. Alors, tout ce que j'ai dit jusqu'à là, avait gardé un petit rappel en fait. Ils sont très efficaces quand vous avez des données qui sont tabulaires, quand vous arrivez à les caser dans un Excel. Dès que vous commencez à travailler sur des choses qui relèvent plutôt de la spatialité, des cartes ou des réseaux, certains des effets de biais qu'on a avec les variables visuelles, ils sont encore plus mis en exergue, encore plus mis en valeur. Donc là, des théories un peu, au moins au premier degré bertinien, sur les réseaux, sur les cartes, il faut faire très attention. Tout ce que j'ai dit, ça va pour les catégories ordonnées et pour les données quantitatives. Il y a des autres typologies de données qui se prêtent moins à être traitées avec cette logique des variables visuelles. Je vais partager avec vous mes slides. Ça, c'est mon conseil, c'est toujours quand vous faites des visualisations, d'imprimer et de garder sous contrôle ce qu'on appelle la l'accuracy. En français, ça doit être, c'est pas la précision, c'est la exactitude des différentes variables visuelles. Il y a les, certaines variables visuelles qui sont très, elles sont pas très exactes, elles sont très accurates, elles sont une grosse accuracy. Donc la position, c'est-à-dire que votre œil, votre cerveau, ils arrivent à spotter les micro-différences de position entre deux objets, alors qu'ils n'arrivent pas du tout à détecter la valeur. Donc on a, dans la physiologie expérimentale, on a une hiérarchie, couleur, longueur et orientation sont celles-là, les premières trois, qui on arrive, presque tout le monde arrive à détecter des micro-différences. Après, on a un gros, un décalage, un espace de accuracy, un gap sur la taille et sur la forme. Plus ou moins, tout le monde y arrive. Après, vous avez un gap monstrueux quand il faut parler de couleur et de intensité. Grosso modo, mon conseil, c'est jamais utiliser la couleur et utiliser que les trois premières. En plus, donc vous pouvez l'imprimer, c'est juste un espèce de va-de-main, comme moi je l'ai toujours sous les mains pour me rappeler qu'est-ce qu'il faut faire, parce que parfois on oublie. Et donc, ils sont les mêmes. Par exemple, la forme qui prend votre surface quand elle est déformée, utilisez-la que pour les catégories et pas pour des choses qui sont une échelle continue. Voilà, alors que la position, vous pouvez l'utiliser pour toute typologie de données. Parfois, on fait des erreurs très banales. Donc, c'est pour ça que je vous dis, gardez ça un peu comme un espèce de vademecum pour faire des visualisations. Et là, on peut faire, si vous voulez, un peu d'exercice. Ça, c'est une très, très, très, très belle visualisation parce que c'est compliqué à décrire. On la comprend, mais c'est hyper compliqué de la prononcer. Mais elle est très élégante. Elle est très, très, très belle. Elle est un peu à la Tarnia. Elle a inventé un monde, cette visualisation. Je vous laisse la lire. J'ai tout laissé là, hein. Vous avez toutes les informations. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous la verbalisez. Le petit paragraphe qui vous exprimerait si cette visualisation-là sortait de vous. Essayez d'aller un peu à la Bertrand. C'est quoi la couleur? C'est quoi la position? C'est quoi la taille? C'est quoi l'orientation? C'est quoi la forme? Commencez à pour utiliser ça. Alors, la couleur, la notre couleur pour le son. Faudrait une légende. Faudrait une légende. Alors, pourquoi il n'y a pas la légende? Très bien. Pourquoi il n'y a pas de légende? Non, mais même pour un truc simple, on la raconte pas. Alors, il n'y a pas la légende parce qu'il y a un titre qui dit olympique. Enfin, ça m'a pris 2 secondes pour trouver. Ouais. Voilà. Non, mais vous avez raison. Est-ce le nombre de médailles par pays dans le petit tableau à gauche? Ouais, ok. Et la représentation? C'est quoi le jaune? On a 3 couleurs là. C'est l'or. Oui, c'est le couleur de médaille. Ok. Ah, parce que c'est alors, chaque petit point, ok, qui on doit comprendre qu'est-ce que c'est un point, on n'a pas encore compris. On a des points qu'on ne sait pas bien qu'est-ce qu'il représente, mais chaque point a la couleur d'une médaille. Donc c'est quoi un point? Une personne, ok. La position dans l'espace? C'est la distance à. C'est deux choses. Autant du mi par seconde. La distance, la mieux ou la. Alors, on a sur les Y, le temps. C'est vraiment le truc un peu bizarre, c'est ce qui se passe là. Ouais, c'est si on prend le record, enfin, si on prend le temps mis par volt sur son record, on a en hauteur différentes années de compétition sportive. Et donc là, on dit à combien mètres de distance été le coureur médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. C'est des mecs, c'est pas par rapport à la conférence, par rapport au chrono, au corps. Est-ce que c'est clair? Ça, vous voyez comme il est compliqué. On l'a, là, c'est la démonstration de notre paresse. Hein. Parce qu'on la compris, on la maîtrise, on la voit. Mais après, dès qu'on doit y parler dessus, c'est... Tu vois, il faut se prendre du temps, respirer et l'organiser. Parce que là, ce qui se passe, en fait, dans, avec la variable espace, position, on encode le temps. C'est hyper tordu cette histoire, mais elle est hyper efficace. Dans l'espace, on encode le temps. Et ça, on le sait depuis les écoles primaires. Vitesse égale espace divisé pour le temps. Ça, c'est un truc qu'on maîtrise depuis l'école primaire. Mais c'est compliqué. Donc, on le maîtrise et c'est difficile, en fait, discuter autour d'une visualisation qu'on, en fait, elle est difficile de l'expliquer. Là, c'est très bien, c'était dans le domaine des sports, du loisir, du bar, avec le pastis. Mais si vous devez discuter de l'élection, vous comprenez qu'une visualisation du genre aurait été très compliquée parce qu'on n'arrive pas à l'articuler. Voilà, ça c'est beaucoup plus simple. Mais, couleur, taille, position. Le sport, il est toujours un playground, un bac à sable, parce qu'on a beaucoup de données, donc on s'amuse à faire des choses avec le sport. On peut faire entre les continents. Avec quoi? Avec les pays à l'intérieur. Non, non, c'est quoi qui encode les continents? Ah, pardon, les couleurs, la couleur et la position. Ouais. Faudrait se poser la question, la Turquie, quelle couleur on la met? Et là aussi. Ok. La taille? Non, vous donnez pédale. Trop bien. Vous voyez, vous êtes des Bastiniens. Parfait. Là, c'est aussi une très belle. Très belle, il faut juste se prendre un peu de temps. Je vous dis les éléments de contexte. C'est du baseball, un des sports les plus. C'est des équipes. Lisons. Tous les éléments, la couleur, la position aussi des textes, hein. C'est important. Épaisseur, inclinaison. Ok, donc la couleur, elle est associée à l'âge. Plus de quantité, parce que les traits ont des épaisseurs différentes. Ok. Vous voyez, dès que vous les captez, il faut juste... Alors, ça veut dire. Regardons, quand l'épaisseur est plus grande... C'est plus sûr. Jusqu'à 3,5. Alors, on a un différent des tables. Oui, il y a un changement. Une différence importante entre les deux dates. Dans un côté, vous avez les points. Vous avez bien compris que là, ils sont parce que c'est le baseball. Donc, on compte combien de innings on a gagné, combien on les a perdus. C'est un. Pas un sport un peu bizarre. Un point gagné, inning, ouais. Donc là, c'est la balance entre les deux qui fait la hiérarchie. Et de l'autre côté, vous avez les budgets des équipes. Donc, voilà, déconstruisons et faisons notre paragraphe. Cette visualisation, petit 3 petits points, nous montre. Petit point. Le rapport. Vas-y, viens, moi, je te vois, t'es chaud. Vas-y. Non, ouais, ça va. Non, on a deux classements. Le classement sur le sol et le classement sur les budgets, on voit une espèce de décalage entre ceux qui rapportent, ceux qui gagnent beaucoup avec un faible budget. C'est qui a gagné le championnat dans cette optique-là? On a compris, c'est une espèce de rapport entre les points et combien on a dépensé. C'est peut-être une équipe qui a... Celui-là qui est comme ça ou celui-là qui est comme ça? Le meilleur rendement, c'est celui qui est plus haut dans la liste et qui a dépensé loin, pour qui on a subventionné loin. Donc, comment, ce rapport-là, comment il est encodé? C'est par rapport à ce que c'est bleu, plus c'est fin et plus c'est bleu, mieux c'est, d'un point de vue de rendement économique. Ouais. Vous voyez là, en fait, la seule information, mais c'est un peu bizarre cette visualisation, je la aime et je la hais en même moment. Est-ce que quand on fait le contraire, on met ouais. Parce qu'il y a tous des trucs qui sont un peu contre-intuitifs, en fait. Le gagnant, c'est bleu. Le bleu, on l'a associé à quelque chose de bien, souvent, donc le bon choix de couleur. Après, il y a une variable qui, dès qu'on la capte, elle est parlante, c'est la pente, sauf qu'elle est inversée. Le gagnant, c'est le bleu avec la pente la plus haute. Sauf que nous, on est programmé, si on trouve une pente comme ça, c'est la chute. Inverser les millions, là, peut-être. Et si tu inverses les millions, là, les millions, ils sont, les Red Sox, ils sont dépensés 228 000. Vous ne pouvez pas les inverser, en fait. Vous voyez un peu la complexité, c'est la beauté et la complexité d'un approche bertinien. Là, elle est nickel, cette visualisation. Dès que vous l'avez compris, elle marche. C'est juste que l'agencement entre les variables visuelles débauche sur un truc qui est contre-intuitif. Pourquoi? Parce que dans ce culture, un truc qui fait comme ça, c'est la chute. C'est l'enfer. Et c'est la faute en italien, c'est Dante. Le ranking de classement, il suffisait de mettre à la droite du budget. Et là, tu avais des pentes dans le sens. Vous voyez comment les techniciens... J'ai été abonné seul. Les arbitrés, du coup, c'est quoi? C'est la différence de la position d'un côté et l'autre. Et j'ai une question. Quelle est l'information principale qui est donnée par cette visualisation? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Le rapport entre le classement au championnat et le budget donné. Ouais. Ça se voit, Miguel, on ne fait pas trop de sport. Non, mais c'est ça. Il y a une grosse histoire, et à Paris, on l'a dit, est-ce que les équipes qui ont beaucoup de budget, qui achètent Mbappé ou je ne sais pas qui, et après, ils arrivent à être gagnants. Mais vous voyez, c'est encore une question de culture. Quelqu'un qui n'est pas dans les sports d'équipe, parce que bien que c'est un sportif, il est toujours en vélo, il fait du vélo sport, il est aussi un père. Donc il fait. Et donc voilà, vous n'arrivez pas à maîtriser ces éléments. Je n'ai pas compris ce que tu as dit sur l'épaisseur. L'épaisseur, c'est le décalage, c'est un rapport entre la position dans le ranking officiel avec le point et le ranking avec le point. C'est le prix du blanc, c'est pas vrai. Enfin, je suis pas sur les buts. C'est le ratio. Parce que c'est une différence. Parce que si c'était un ratio, ce ne serait pas juste. On ne peut pas faire un pari. Après, ça ne se voit pas sur le ratio, normalement. Dans l'approche de la croix. Vas-y, Yahoo. Ça marche pas là. Enfin, 93-68. Moi, je pensais que c'était la différence entre 93 et 68 qui encode que l'épaisseur du trait reconnaît cette différence-là. En fait, c'est pas possible. Plus le trait il est en pente, et plus il est fin. Non, justement, les lignes droites, c'est des tests de délissement. Mais il faut jamais donner tous les clés, en fait. Vous aurez les slides. Les slides seront sur le site dès ce soir. Ouais. Et les explications? C'est un peu de faire. Je ne peux pas mettre le mail de chaque auteur dans chaque liste. Non, mais par contre, il y a le mail. Vous êtes tous inscrits normalement. Malheureusement, celle-là, elle est un peu. On la voit un peu mal, mais c'est celle-là aussi intéressant. Essayons de la lire toujours avec une logique bertinienne. Je vous la montre aussi parce que sa légende, elle est hyper bien faite. La légende, en fait, c'est exactement des clés bertiniennes qui sont expliquées. Essayons de voir comment on la verbalise et qu'est-ce qu'on en tire un peu comme connaissance. Là, on ajoute un autre exercice dans la verbalisation de la visualisation. la légende de l'Elrin. Tout est là. De quoi il s'agit ? Eh bien, vous voyez, à l'œuvre, on fait les connaissances hors visualisation. Diego, il a se posé la question avant, là, il a reconnu le basket. C'est hors de la visualisation. Parce que, voilà, on reconnaît la cloche. La cloche américaine en plus. C'est la position de l'air de corps. Par rapport à l'ensemble des marques des buteurs, je ne sais pas comment on appelle. Des gens qui mettent des points. Et c'est de le nombre d'essais, c'est ça ? Des sous-coups, c'est plus ou moins des paniers. Je voudrais vraiment, là, probablement, on peut ouvrir un peu la discussion après cette visualisation-là, mais je voudrais vraiment qu'on arrive à moi, sur cette dernière-là, à verbaliser l'utilisation couleur, l'utilisation variable visuelle avec quantité ou données. Donc la position, qu'est-ce qu'il nous indique ? Où était placé ? Qui ? Le basketteur. Qui a fait quoi ? Donc c'est un joueur spécifique. C'est le joueur qui a tiré. Ce ne sont pas les joueurs. Après, là, on a un élément de base. Non, c'est la surface de base qu'on va déformer avec la position. C'est un hexagone. La taille de cet hexagone, elle fait quoi ? La contribution de cette position à l'ensemble des points marqués dans la maille en dessous. Magnifique. Parce que dès qu'on le verbalise comme ça, on peut s'occuper à changer la façon de jouer notre équipe. Oui. À gauche, en fait, on voit des zones faibles, non ? C'est quoi ? La faiblesse, elle est exprimée par la combinaison de quoi ? La petite taille des hexagones, je sais pas quoi là, et puis la couleur. Là, il faut qu'il vous accordiez. C'est grande taille et vert. Faiblesse, c'est petite taille. Et vert. Ou grosse taille. Et vert. Ben, c'est quand on a fait beaucoup d'essais avec ça. C'est pas moi qui fais l'arbitrage. C'est pour ça que j'aime un peu travailler sur cette question, qui c'est une question de verbalisation. La visualisation, elle est là, elle nous sert comme outil. Après, nous, on va discuter qu'est-ce que c'est la faiblesse. Et cet exemple-là, il est bien pour parler de ça. La faiblesse, c'est quoi ? C'est faire beaucoup d'essais et échouer, ou pas faire d'essais, donc être pas capable d'arriver à cette position-là. C'est sur ça que la visualisation est bonne. C'est là qu'il nous fait parler différemment. Parce qu'il nous donne la possibilité de rediscuter qu'est-ce que c'est la faiblesse. Parce qu'on peut aussi se dire qu'est-ce que c'est être fort. Être fort, c'est là, dans une position très particulière où j'arrive jamais, je marque des points. Donc petit est rouge, au grand est rouge. Parce que grand est rouge, c'est aussi les autres qui sont faibles. Pas nous qui on est fort. Voilà. Dans la question, la triangulation entre cerveau, œil et bouche, dans ce cas-là, elle est très puissante. Parce qu'elle nous fait réfléchir des choses qui sont hors de la visualisation. Et il nous parle du phénomène qu'on veut investiguer. Voilà. C'est tout. Non, j'avais tout un tas d'autres choses. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Si vous voulez discuter un peu, si vous avez encore un peu d'énergie, si vous avez des questions à poser, ou si vous avez envie d'aller manger, comme vous voulez. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est la comparaison. comparaison entre les deux équipes. Et de voir des similitudes, et beaucoup de similitudes et quelques différences. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire? Discuter? Vous barrez? Vous voulez un autre exemple? Vous voulez... Moi, je suis à votre disposition. C'est juste voilà, qui ça me semble un bon exemple pour terminer. Questions directes, on n'a pas, on fait beaucoup d'interactions, mais on n'a pas eu de questions directes à te poser à toi, donc peut-être se décrocher des exemples, je ne sais pas s'il y a des questions. Enfin, moi je me dis que vous avez peut-être d'autres exemples en boutique, là, et là vous allez nous les mettre en ligne aussi. Oui, c'est sûr. Donc on aura le plaisir de les découvrir, même si on n'aura pas. Ouais, je vous invite à venir, les œuvres qui sont derrière, à vous être décodées ou déchiffrées avec cette logique-là. Et l'invitation, en fait, si. Moi, je dois vous proposer la seule chose à sauver dans ces deux heures où j'ai blablaté avec mon mauvais français. C'est là, dès que vous faites une visualisation, essayez de vous poser un moment, de vous détacher et de la lire. Cette lecture-là, elle doit se traduire dans quelque chose que vous pouvez imaginer comme un paragraphe. Un petit texte qui soutient cette visualisation, où on écrit ce qu'on devrait dire dedans. Ce que vous espérez que les autres disent. Après, faites-la lire aux autres et comparez un peu les différences. Vous espérez qu'ils comprennent ça, mais en fait, ils disent tout autre chose. Et c'est là que vous rentrez un peu dans ce processus de bootstrapping pour comprendre comment l'améliorer. Évidemment, la bonne visualisation, elle n'existe pas. Il faut rentrer un peu dans cette espèce d'exploration épistémique par le biais de la visualisation, par le biais des objets visuels. Et les objets visuels ne sont jamais que visuels. Ils sont toujours des trucs qui sont physiques. Du papier, c'est physique. De l'écran, c'est physique. Donc c'est le doigt, c'est l'œil, c'est la bouche. N'oubliez pas votre bouche sur la visualisation. Pas bouche en le casino. Moi, j'avais deux petites questions. Sur la typologie des variables dont vous avez demandé, je n'ai pas bien compris ce que c'était les N structures de data. Pardon ? Les N structures de data, c'était mentionné à un moment donné. Et en fait, aussi, j'avais cette question, et aussi sur les variables. Pourquoi les variables relationnelles et spatiales, elles ne pourraient pas être des variables tabulaires, on peut les convertir avec des coordonnées dans l'espace ou des. Alors, un structure data n'est donné pas structuré. En fait, vous pouvez imaginer que vous avez une transcription d'un entretien. Il y a un récit, un texte. En fait, il faut. N'utilisons pas le mot but, c'est un peu controversé. C'est juste que les données ne sont pas encore été mises dans une structure. Il y a grosso modo trois typologies de structures qui ont donné les tableaux, des réseaux et quelque chose qui est un peu bizarre qui sont les cartons, les variables spatiales. Ouais, on n'est pas tout à fait d'accord avec vous sur ce. Dites-moi, sur cette diapositive-là et puis sur la suivante aussi, quoi. Et pourquoi vous êtes pas d'accord sur la première? Alors. Parce que. Enfin, pour moi, je travaille en cartographie sur les réseaux, donc essentiellement donc, sur ces données-là. Et je trouve qu'elles sont justement structurées. Enfin, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'elles ne soient pas. Elle ne dit pas qu'elles ne soient pas structurées. Hein. Attention, là, on parle de visuel. Non, elle est mauvaise. Pour moi, les réseaux. Et les cartes, elles sont bien des données structurées. Hein. D'accord, parce que par contre, on est sur les données qui ne sont pas nous. Oui, sur les récits. Et on va travailler si c'est possible. Mais dans les deux cas, on retravaille ici. Les données qui sont de réseau ou de spatial, là, elles sont aussi disponibles sous une forme tabulaire. Et c'est ça qu'on analyse en géographie, c'est ça qu'on fait, on analyse. Si vous. On analyse cet état des tableaux associés à ça. Du coup. Donc il y a une partie qu'on visualise, comment on visualise un histogramme, mais on a aussi des données derrière de la même façon, vous voyez, c'est pour ça que là... Trop bien, mais si vous prenez un réseau, juste... probablement pour décrire dans les détails un réseau, vous avez un réseau, vous avez besoin d'un au moins deux tableaux. Une qui vous décrit tout à fait. Les liens et l'autre qui vous décrit les nœuds. plus l'espace, donc, ça fait 3. Oui, on est d'accord, oui, mais ça. Quand je parle de tabulaire, moi je parle d'un truc hyper simple. Une table. Ah oui, d'accord, ce qu'on appelle une table. Une table qui contient votre ensemble de données. Après, dans les deux autres cas, votre situation, votre milieu, celui-là que vous avez décrit avec des données qualitatives et quantitatives, dans le cas des réseaux, dans le cas de la géographie, parfois ils ont des formes un peu plus complexes pour contenir les données et des relations, par exemple, entre les zones géographiques ou certains effets de biais qu'il y en a avec les variables visuelles, ils sont encore plus visibles. Prenez le cas des réseaux. Un réseau, la variable visuelle de la position de deux nœuds, vous ne pouvez pas la lire. Elle n'encode pas quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes expert avec l'analyse visuelle des réseaux. Dans un réseau, quand vous le spatialisez, la position elle est donnée par une simulation entre les attractions et les répulsions des nœuds. Donc cette position-là, on la lit comme position, quoi, la bêtant, mais elle n'encode pas de. Donc, il faut être attentif. Il y a d'autres proximités qui sont lisibles dans la thématique. Être à une proximité, des proximités qu'on va interpréter dans un contexte donné. Bien sûr. Mais, reprenons cette slide-là. Est-ce que c'est clair à tout le monde de ce qu'on est en train de parler? On parle d'un réseau spatialisé probablement avec de l'attraction et de la répulsion donnée par des nœuds. Très bien, on peut lire l'affinité ou la proximité. Garder en tête que les études en fait de psychophysiologie humaine de la lecture, en fait, ils lisent des positions et pas des proximités. C'est-à-dire que nous, on arrive à voir que deux nœuds, ils sont légèrement moins distants au plus proche, et on essaie de leur donner une explication, alors qu'on devrait lire quelque chose de plus macro, qui c'est l'infinité. C'est juste ça que je suis en train de dire. Et donc, je prenais un peu de cautèle en disant tout ce qu'on est en train de raconter sur les réseaux et sur les maps. Attention, il y a des effets de biais qui pourraient se produire. J'en suis là des réseaux, qu'il est très évident. Où la variable la plus puissante, c'est en fait, c'est là qu'il est moins prégnante. C'est là qu'elle est moins. qu'on devrait dire de façon macro. Alors que c'est la variable qui pourrait nous parler du micro, si vous voulez. C'est ça mon. Comment dire. Mon fait ça. Pour développer cette question, pour des groupes qui ne sont pas vraiment habitués à la data visualisation, est-ce qu'il y a comme outil relativement simple pour s'amuser à déformer? Alors, on revient tout au début, en fait. Il y a probablement les deux logiciels qui utilisent véritablement une théorie à la Bertin. C'est RO, celui-là qu'on avait inventé à Milan. En fait, toute la construction des variables, des visualisations, elle est faite avec le principe des variables visuelles. Donc, vous glissez des dimensions, des données à l'intérieur de variables visuelles, il vous construit au fur et à mesure. Et l'autre qui est payant, qui a un peu cette autre modalité de travailler, c'est Tableau. J'arrivais. Après, sur les cartes, avait inspiré un peu du même modèle, hein, il y a Cartis. K-H-A-R-T-I-S. Mais il fait des cartes. Ces trois-là, ils vous donnent la possibilité d'expérimenter avec des données tabulaires et des données spatiales. Sur les réseaux, un peu dans la même logique, bon, il y a Gephi qui s'est Gephi. Sinon, il y a un autre outil open source qui s'appelle Palladio. Palladio. Comme l'architecte italien. Palladio. P-A-L-L-A-D-I-O. J'ai une toute petite question concernant le nombre de dimensions qu'on remet sur un graphe. Dernièrement, j'ai eu à faire des graphiques, donc de commerce international, où je voulais mettre le maximum d'informations possibles, parce que c'était important pour le point que je voulais faire. Et donc, souvent, on me disait garde maximum 4 dimensions, parce que sinon, le lecteur n'arrive pas à voir quelle est l'information importante. on se noie trop, etc. Donc moi j'avais mis plein les couleurs, les dimensions, en plus c'est un plot, c'est des seuils, etc. Et donc est-ce que vous pensez qu'il y a voilà, un nombre maximal de... Ouais, c'est un peu la chose que j'essayais de dire avec la question des visages de Tchernoff. Ma règle, donc, c'est vraiment une règle, comment dire, de terrain. J'ai aucun preuve scientifique pour en la démontrer. C'est un gros max de 3-4. Quand vous avez beaucoup plus de dimensions à visualiser, essayez de recourir à une modalité de visualisation qu'on appelle Small Multiples. Grosso modo, c'est la même visualisation répétée N fois, soit pour des sujets différents, soit en changeant les variables. Donc essayez aussi de redécouvrir ce qui, à une époque, on appelait des atlas. Donc voilà, vous enchaînez avec les visualisations. Vous essayez un peu de... Mais pour enchaîner avec les visualisations, comme on faisait avec les atlas, il faut les thématiser. Il faut écrire par ici qui connecte chacune des visualisations les uns après les autres. Mmh. Mmh. Ce n'est pas le PowerPoint où on balance. Oui, les... Ouais. Bah, merci. Diego, tu partages mon email, tout, donc voilà, si je peux vous être utile en le futur. Même, j'ai pas parlé de choses non pertinentes, je suis désolé. Vous aurez, ouais, je rajoute.